Nous allons directement reprendre au même endroit que la semaine dernière, avec une mocoche perchée sur le toit de la sacristie rouge en plein milieu du quartier de Port-Lagagne. Devant elle se trouve une jeune et étrange personne qui vient de lui tendre le pommeau de son espadon qu'elle venait de lui voler après s'être tatouée. Quelques croquis très très maladroits. Imaginez-vous essayer de vous tatouer de manière précise quelque chose sur le front. Quelques vagues formes de lune. Vous autres, vous trouvez juste en dessous et j'aimerais donc savoir ce que tour à tour ce que vous allez faire. En tout cas, sauf toi, pardon, Toric qui se trouve actuellement bien tranquillement à l'hôpital de campagne de l'orage. Du coup, j'aimerais savoir tour à tour ce que vous allez faire en commençant par Mokosh. Eh bien, pour ma part, je suis toujours autant avancé que la dernière fois qu'on s'est quitté. Donc, je pense simplement que en voyant ce qu'elle s'est fait au visage, je suis assez choqué, on va dire. Disons que ça m'arrête un peu dans mon mouvement. Et je pense vraiment que j'ai aucune idée de ce que je fais, donc j'imagine que je suis juste bloqué dans mon mouvement. Dans ce cas-là, je laisse les autres agir, puisque vous aviez été réveillé en plein sommeil par Mokosh en train de courir après cette dernière à travers la sacristie. Moi, de mon côté, comme je disais, bah, j'éclairais surtout Mokosh pour l'aider dans sa grimpette, pour éviter de tomber, ça serait très dommage. Et du coup, bah, je maintiens ce suivant, et quand Mokosh s'arrête, bah, je sais pas quoi faire, quoi. C'est-à-dire, je continue d'éclairer, mais bouge, je ne sais pas, mais d'un côté, je suis mal placé pour faire quoi que ce soit, donc je continue d'essayer de la soutenir comme je peux avec la lumière, j'ai un peu sur la petite fille, ou si ça aide Mokosh, je sais pas. Ouais, je fais des va-et-vient de lumière en attendant que Mokosh réagisse. Ok. Et Jacquard, est-ce que tu agis? Ouais, je dis... Hey, petite lâche TP. Et je te donne 5 dinars. Alors tu vois que elle possédait que le pommeau. Faut qu'elle redonne à Mokosh. Et semble pas réagir à tes appels. Je reste de marbre un peu, comment dire, voilà. La seconde après, elle se retourne, regarde juste en dessous d'elle et semble s'apprêter à presque plonger au niveau du mur de l'autre côté. Visiblement, la situation assez inconfortable semble lui faire prendre finalement la fuite. Oh non, on va pas s'échapper avec ce qu'elle a fait. Je pense simplement que je vais juste. On est à quelle hauteur exactement de cette hauteur de bastion? Vu qu'il y a qu'un seul étage, alors c'est assez haut, un peu comme une église. Vous êtes, je pense, quand même à 3-4 mètres au-dessus du sol, mais le muret lui-même qui entoure la sacristie a réduit fortement cette. Mais il faut aussi l'atteindre. Ok. Bon, je pense que la chute n'est pas mortelle, mais peut faire très mal. Ok. Je pense que comprenant quelles sont ses intentions de s'enfuir au final, bel et bien définitivement, je vais arrêter de d'être bloqué dans mon propre espace-temps. Et je vais juste quasiment me jeter sur elle, pas pour l'emporter dans ma chute avec moi, mais juste pour la saisir du coup et la retirer de nouveau vers moi. Je vais te demander un jet d'agilité et de dextérité. Sachant que si tu veux, tu peux dépenser de l'ego pour dextérité. Te rajouter des dés à ce test. Bah ouais, je vais y passer deux égos. Ouais, très bien. J'actualise ta fiche. Et ça me fait 5 réussites. Très bien. Eh bien, j'ai fait également 5 réussites. As-tu fait des déclencheurs ? Aucun. Malheureusement, j'en ai fait 3. Ok, je vais lui passer le Elle se précipite donc, tu tentes de la rattraper, et avant que t'aies le temps de poser la main sur elle, tu entends le bruit de quelques pierres qui roulent, et l'aperçois valdinguer par-dessus, et se rattraper pas, au niveau des bras sur le muret en face, puis se réceptionner au niveau de quelques pierres mal agencées au niveau du pied pour pouvoir se redresser dessus. Il va faire tard, va falloir que je rentre, mais on se reverra. Et elle part. Vous autres, vous apercevez la scène et vous... Étant donné qu'elle se trouve derrière la sacristie, vous pouvez potentiellement, si vous le souhaitez, tenter de la rattraper en contournant par l'avant. Ok, j'y vais. Si je vois que Mokosh a essayé de... Enfin de réagir, bah du coup, ouais, je vais courir. Très bien. Pareil, je vais tout de suite être à courir. Ok. Vous vous mettez à courir et j'ai même pas besoin de vous faire de test. En effet, il vous suffit de contourner de quelques mètres pour la bloquer. Elle s'arrête devant vous. Ainsi, comme ça, à plein milieu de la nuit, jusqu'à ce que Mokosh vous rejoigne. Au bout de quelques secondes. Elle semble pas du coup tenter de s'enfuir en vous voyant insister. Qu'est-ce que vous faites par la suite ? Est-ce que vous décidez de rentrer à l'intérieur avec elle ou est-ce que vous l'interrogez comme ça directement dehors ? Attends, je me suis perdu dans mes pensées là en réfléchissant à la situation. Elle s'est arrêtée de fuir ? Oui, en réalité, vu qu'elle a tenté de fuir par l'arrière, elle se fait très très facilement actuellement bloquée par Jacquard et Afflux. Étant donné qu'elle n'est pas dans une fuite, elle n'est pas en train de courir pour sa vie, elle s'arrête. C'est juste qu'elle partait plus par question, entre guillemets, peut-être d'inconfort qu'autre chose. Pour une question. Ok. Du coup, si elle n'est pas trop loin pour qu'au du haut du toit, je puisse quand même lui parler. Je vais lui adresser la parole, simplement. Je vais lui dire... t'as pas besoin de partir, tu peux rester là si tu veux. On va arranger ce que t'as sur le visage. Elle acquiesce et elle vous laisse faire ce que vous souhaitez. Oh. Ben moi je suis partant pour la laisser rentrer à l'intérieur au moins. Ok. Parce que de souvenir, c'est moi qui avais imaginé ou il y avait un orage dans cette situation ? Ou c'est moi qui dans le dramatisme de la dernière fois à imaginer un orage ? Je me rappelle pas avoir décrit d'orage. Les autres pourraient me le dire. J'ai pas noté ça non plus dans mes notes. Donc ouais, je pense que t'as. Je pense que c'était une association d'idées parce que ça me fait penser à une scène que j'avais vue ailleurs. Donc je pense que ça doit être possible ça. Alors. Ah, peut-être que tu te rappelles de ça aussi avec le bruit de l'eau que vous entendez très clairement s'abattre contre la digue. À quelques mètres de vous, en tout cas contre les rochers qui ont été disposés au niveau des quais, puisque la sacristie pardon, est vraiment pas loin de la plage, du bord de mer, quoi. Vous êtes à quelques mètres. En rentrant à l'intérieur, vous surprenez les eaux, du coup, qui ont également été réveillés en train de s'occuper, de peut-être vous questionner un petit peu sur ce qui est en train de se passer. J'imagine que vous leur répondez, que vous en savez pas vraiment plus qu'eux pour l'instant. Oui, aucune idée de ce qui se passe. On verra ça plus tard. Tu assois la petite sur une chaise ou un banc ou une grosse pierre que tu pourrais trouver à l'intérieur. Et en effet, tu remarques au niveau du visage que les. Notamment de son front, que les traces sont pas très très précises. Elle a eu quelques secondes pour le faire, donc il n'y a rien de. Je veux dire, d'irrattrapable. C'est pas très très marqué, quoi. On pourra pas l'enlever, mais c'est pas. Ok. Tu remarques également, bah aussi en la voyant cette fois-ci vraiment de près, avec la lumière sans doute d'un feu pour vous éclairer, qu'elle a le nez complètement tordu, sans doute est-il cassé ou a-t-il été cassé par le passé. Ce qui participe à lui rendre un visage assez. Comment dire? Peut-être un peu agressif. Je Surtout vois. à cette âge-là, c'est assez rare d'avoir un visage comme ça, si je puis dire, amoché d'une manière ou d'une autre. Ok. T'as faim, t'as soif? Je veux bien boire, ouais. Vous avez quoi à manger? Pas grand-chose de très intéressant. Toujours mieux que rien. Ok. Bon, j'imagine que je vais chercher un peu de quoi Ok. pour la garder Tu sur vois que là, place. elle est beaucoup plus calme et que et qu'elle attend patiemment, vous dévisageant tous les uns après les autres. Ceux qui la regarderont également se sentiront jugés intérieurement. Elle semble pas mal se poser de questions sur vous, notamment. Ceux qui vont aborder des physiques un peu particuliers comme le juge ou le chroniqueur. Tu remarques aussi, ou remarqueront ceux qui l'observent. Non, en fait, moi j'ai perception. Ce sera plus rigolo. Instinct perception. Avec une difficulté de 3. Quatre réussites et deux déclencheurs. Très bien. Égalité entre réussites qui sont deux déclencheurs et échecs. Parce que là, tout va bien. Ok. Vous remarquez pas grand-chose, sauf toi, Jacquard, qui semble observer quelques tremblements assez étonnants au niveau de sa main, enfin surtout de ses mains, et peut-être une certaine vivacité. Trop étrange pour un enfant normal. Lorsque le moindre bruit soit retentir de l'autre côté de la pièce, tu la vois presque faire un mini sursaut et directement aiguiller son regard en direction du fameux bruit. Ça te semble assez caractéristique d'une personne relativement brûlée. Brûlée donc, qui a consommé de la brûlure. Pas brûlée physiquement avec du feu. D'accord. De ton côté, Mokosh, aussi, tu te fais aborder par l'orgiastique Gérard qui vient te voir, tandis que tu récupères un peu à manger de l'autre côté de la sacristie et te dit vous devriez pas la garder ici. Pourquoi? Les enfants de l'orphelinat sont peu recommandables. J'imagine, mais... Elle a déjà essayé de vous voler. Et vous voulez la nourrir? Et maintenant, a priori, elle porte ma marque, donc je peux pas la renvoyer comme ça. C'est pas rien. Vous voulez en faire une anabaptiste? Se tenter. Alors soit. Mais au premier soupçon, je la fous dehors. Si jamais je la vois fouiller dans la réserve ou autre. Vous savez, les orphelins, ils sont si désespérés, ils seraient capables de se faire tatouer n'importe quoi pour pouvoir voler. On en discutera si ça arrive. Bien sûr. Et à ce moment-là, il retourne à ses occupations. qui consiste notamment à épier l'extérieur à la recherche de potentiellement d'autres enfants ou personnes quelconques. Très bien. Bah, du tu retournes donc la voir et tu vois que lorsque tu lui mets à manger, elle semble se jeter dessus et avaler le tout le plus rapidement possible en buvant quelques gorgées d'eau entre deux mastications. Ok. Bah, pendant qu'elle mange, je vais pas spécialement essayer de lui adresser la parole parce qu'a priori, il a l'air assez compliqué en termes de relations sociales, ce qui n'est pas non plus avec moi. Donc, je vais tout simplement juste ressortir mon appareil de tatouage de mon épée. Et je vais lui dire bon, on va arranger ça pour que ça ait une meilleure tête. Ok. J'en connais un qui va pas être content de voir sa marque sur quelqu'un au hasard. Lorsque tu continueras le tatouage tranquillement, tu te rappelleras de tous les enseignements en tatouage que tu as pu avoir ces derniers temps, de toutes les applications que tu as pu utiliser, et j'imagine fera l'exact opposé de ta technique habituelle. malgré tout, tu sens que ça semble pas lui faire du bien. Ouais, évidemment. Mais assez courageusement, elle va simplement se contenter de serrer les poings ou de tirer un morceau de ses vêtements qui partent un peu en haillons. Le temps que ça passe. Après coup, elle ira observer le résultat. Ça va prendre un petit moment. Tu sais sans doute d'ailleurs que tu devras peut-être y repasser quelques jours plus tard si tu veux vraiment quelque chose de plutôt propre. Oui. Et du coup, oui, elle observera le résultat dans son reflet, sans doute dans un seau d'eau ou autre qui traînerait dans les parages. Qu'est-ce que vous faites pendant ce temps-là, Jacquard et Afflux? Ah, j'ai trouvé le mot que je cherchais tout à l'heure. Bah, je la regarde un peu circonspect. Puis au bout d'un moment, je fais d'accord. Et je vais me coucher. Ok. La fatigue plus fort que tout. C'est ça. Le confort du lit. Bah, un peu la même situation. On est clairement pas dans l'histoire. Et voyant qu'il n'y a pas de réelle urgence ou de problème, j'allais me recoucher aussi. Clairement, Mokoche est calme, hein, notre petit enfant aussi, donc il n'y a rien de spécial à surveiller. Très bien. Les autres en feront de même. Du coup, Mokoche, je te laisse me dire ce que tu lui organises pour sa première nuit à la sacristie. Tandis qu'elle reste assez timide, finalement, après les... on va dire les grosses punchlines, si je puis dire, qu'elle vous aura balancées dans la journée et dans la soirée. Elle semble cette fois-ci ouais, complètement pas refermée, mais ouais, soit fatiguée, soit intimidée. Ça contraste pas mal. Ok. Et pour la nuit, je pense simplement que je vais. S'il arrive un moment où je vois bien qu'il est temps pour elle d'aller dormir, je vais simplement lui proposer de prendre ma chambre, tout simplement. Et moi, j'irai me ranger dans un coin quelque part. Mais oui, j'essaye pas spécialement d'enclencher un dialogue avec elle ou quoi que ce soit, parce que c'est vraiment très récent, et que je suis pas la meilleure des interlocutrices, donc... Ok, très bien. Je préfère qu'on soit au calme si on doit discuter. Elle acquiesce et fera à peu près tout ce que tu lui dis, si opposées. Elles sont même assez reconnaissantes. Arrête pas de toucher son tatouage assez récent, puis se dirige au niveau du lit et se glisse à l'intérieur. Puis semble s'endormir quasiment instantanément, vraiment tomber d'un seul coup la tête contre l'oreiller et fermer les yeux. Je vais donc reprendre le lendemain matin. à l'hôpital de campagne de l'orage. Cette fois-ci, c'est toi, Toric, qui te réveille. Oui. Et qui semble à nouveau attaquer la future routine qui t'attend. Tu te lèves donc et dis bonjour à tes collègues que tu croises. Puis te dirige en direction de la cour intérieure où vous avez un petit speech de Ambre qui vous dira à peu près le nombre de patients que vous allez devoir voir. Ok. Toi, de ton côté, tu devras, elle te demande si tu as le temps, d'aider les docteurs Sam, donc le chirurgien et l'anesthésiste, lors d'une opération assez particulièrement compliquée qu'ils vont avoir à faire. Puis d'ausculter au moins deux patients avant de reprendre ta journée comme tu le souhaites. Tu te rends donc à ton bureau et à toi de me dire si jamais tu préfères commencer par l'opération chirurgicale ou par quelques auscultations de patients qui attendent en bas de l'hôpital comme d'habitude maintenant. Je pense que je vais commencer par les auscultations. Voilà, on va commencer, on va commencer de façon assez souple. Pas d'y aller comme un gros bourrin direct, hein, moi, se dégourdir les doigts, si je puis dire. Très bien. On te fait donc venir un premier patient, une espèce de d'homme assez âgé. Il doit avoir 60 ans, quelque chose comme ça, avec une gueule assez atypique, un œil plus bas que l'autre, un énorme nez. Et des cheveux qui commencent à tomber et qui commencent également à virer au blanc. L'un de ses yeux d'ailleurs semble pas vraiment regarder parfaitement droit et pas vraiment aligné avec le second. Il a vraiment la dégaine typique du vieux Toulonnais, donc le vieux marin à qui la vie n'a pas vraiment fait de cadeau et qui semble arborer pas mal de cicatrices et un teint assez, assez bronzé, plus que les gens en tout cas que t'as pu connaître à juste. Bonjour monsieur l'hospitalier, si je viens vous voir aujourd'hui, c'est que je me sens vraiment pas très bien ces derniers temps. J'ai dû manger quelque chose de pas très frais ou je sais pas et j'ai pas arrêté de vomir. Vous avez mangé des fruits de mer récemment? Non. De la salade et de la viande au marché. De la viande. Quel genre de viande? Du porc? J'ai mangé la viande de l'abattoir, celui des terres putains. Les prix ces derniers temps ont complètement descendu, alors j'ai sauté sur l'occasion. Ouais. Est-ce que vous avez remarqué si elle avait une odeur assez forte, Elle connaît pas vraiment l'odeur de la viande. Faisandée, non. C'est. Je vais regarder. Ça fait vraiment des jours que je peux plus rien avaler. Je me sens extrêmement faible. Il faut que je retourne bientôt travailler. Je sais pas, est-ce que je vais y passer? Bon, écoutez, je vais regarder ça, on va voir. Je vous remercie. J'ai demandé un jet de médecine avec une difficulté de 3. De combien? De 3. Intelligence médecine. Alors, 5 réussites, dont 2 déclencheurs. Je vais passer à une difficulté de 2 parce que je trouvais finalement le 3 n'était pas forcément légitime, mais bon, dans tous les cas, tu réussis haut la main. En effet, assez rapidement, après lui poser quelques autres questions, à savoir depuis combien de temps est-ce qu'il pense avoir mangé tu soupçonnes que ça pourrait venir d'une viande pas très bonne, pas très fraîche, peut-être avariée, tu sais pas trop. qu'il aurait pu ingérer. En tout cas, ça semble venir de là. Donc tu lui dis que clairement, il n'y a rien de grave et que ça va juste passer. Non, il va pas mourir. Parce que lui semble te décrire des témoignages d'autres personnes qu'il a connues souffrir de maux assez similaires et que la maladie aurait emporté. Mais dans son cas, en effet, ça semble être juste une simple indigestion. Et le nombre de jours concorde à peu près à la date avec laquelle il avait mangé cette fameuse viande. Donc tout laisse avancer qu'il s'agit de ça. Tu lui prescris donc quelques médicaments. Excuse-moi. Je m'emmêle les pinceaux. Du coup, tu lui dis simplement de repartir. Il te paye 5 dinars. Ok. Et s'en va. 5 dinars. D'accord. La deuxième personne qui vient te voir est cette fois-ci une résistante. Elle est habillée d'un grand manteau militaire, pose son fusil à côté de la chaise sur laquelle elle s'assoit lorsqu'elle te vient te voir, et te dit tout simplement Voyez-vous, l'autre jour, j'ai couru après un voleur en plein milieu des terres putains et. Alors qu'il s'engageait dans un escalier, j'ai perdu l'équilibre et j'ai complètement dévalé ce dernier. Depuis, je suis incapable de mettre le pied par terre, je crois que je me suis foulé une cheville ou quelque chose. Ok. Ça va faire plus d'une semaine, j'espérais que ça passe avec le temps, mais j'ai peur que ce soit plus grave. Je suis censé partir en mission demi de semaine prochaine. Il faut absolument que vous me guérissiez ça. Okay, bah, faites voir votre cheville, je vais discuter de ça. Je vais vous dire ce qu'il en est. Ok. Je te laisse me faire un test de, du coup, pareil, intelligence médecine, et cette fois-ci avec vraiment une difficulté de 3. 4 réussites, dont 4 déclencheurs. Du coup, en effet, tu l'auscultes un peu et tu remarques en effet qu'elle semble avoir aucune connaissance, donc sans doute tout comme les gens de la ville, en médecine, sans doute à cause du faible nombre de médecins, puisque sa cheville est absolument pas foulée, elle est juste sans doute complètement pétée. Dès que tu touches, elle a extrêmement mal, ça a énormément gonflé, ça a pris une couleur pas possible. Il est évidemment hors de question qu'elle reparte là-bas, puisqu'elle, elle s'entendait presque à ce que tu la soignes instantanément et à ressortir complètement guérie. Mmh. Malheureusement, ça la semble relativement la mettre en colère lorsque tu lui annonces ça. Malgré tout, elle acceptera donc de désormais s'équiper d'une béquille, le temps que ça se refasse. Tu lui files un platel, oui. Ouais, ou un strap, enfin, c'est un tissu très serré. Pour essayer de la maintenir le maximum. Et tu lui proposes, si jamais elle en a les moyens, éventuellement d'acheter quelques antidouleurs, ce à quoi elle te répondra qu'une bouteille dans les terres putains, une bouteille d'alcool est sans doute clairement moins chère. Elle t'en remerciera et te donnera cette fois 8 dinars. Ça paye moins que la dernière fois. Ah ouais, c'est moins bien. J'ai commencé à me plaindre, hein. Par la suite, tu décides donc d'aller aider les docteurs Sam et docteur Sam à l'opération en cours. Bien sûr. Cette fois-ci, tu rentres à l'intérieur donc de leur salle d'opération. Tu vois qu'elle fait quand même mauvaise mine par rapport à ce que tu avais l'habitude de voir au hôpital. Un lit un peu brinque-ballant, quelques affaires, quelques outils ici et là. Heureusement de quoi les nettoyer entre chaque opération. Et toute une étagère sans doute remplie de médicaments et autres. Des bandages évidemment qui traînent à droite à gauche et une poubelle remplie de morceaux de tissu entachés de sang. Aujourd'hui, la personne dont vous allez devoir vous occuper est un ferrailleur qui semble souffrir de plusieurs troubles directement à l'intérieur du corps, au niveau des poumons notamment, ou peut-être, en tout cas, vous en êtes pas très sûr, et tout simplement, en l'absence de diagnostic efficace, les docteurs ont décidé de s'occuper de lui en l'opérant. Je vais pas passer sur les détails de cette scène pour gagner un petit peu de temps. À l'occasion, je pense qu'on pourra s'amuser à en faire des plus complètes. Bien sûr. Je vais simplement te demander un jet d'intelligence médecine également cette fois-ci pour supporter le reste des docteurs qui là ont bien besoin d'un petit coup de main puisque c'est une opération assez délicate. On aimerait éviter de perdre le patient. Faire leur jet d'ailleurs de leur côté également. En effet, l'opération est assez délicate, mais heureusement, pourquoi vous arrivez avant à vous en sortir. Tu penses sans doute en effet que ton aide était primordiale pour que cette opération se passe soit efficace. C'est très compliqué d'opérer une personne avec un seul chirurgien. Oui. Dans une salle d'opération, donc oui, sans doute que vous allez pouvoir vous en occuper. Je vais pas rester plus longtemps que ça là-dessus, puisque je vais repasser cette fois-ci aux autres qui vous réveillez à l'intérieur de la sacristie. Cette fois-ci, vous êtes assez habitué, vous commencez à vous habituer au train-train quotidien, également de Port-Lagagne et de la sacristie. Certains d'entre vous se réveilleront à cause de la lumière du soleil, d'autres à cause de l'odeur alléchante du plat en train de se cuisiner actuellement, ou d'autres par le remue-ménage de l'orgastique qui passe à droite à gauche et semble faire des tours et bricoler 2-3 trucs à l'intérieur de la sacristie. Que faites-vous ? Eh, hey, jeune tilté. Il était là hier soir, Lito ? Non, il était parti de son côté. Il semble avoir trouvé un appartement pas très loin de la sacristie. Oui. Enfin, un appartement, un logement. Que ce que je peux déduire être... enfin... là, jusqu'où là où je l'ai retrouvé. Une possibilité. Sans doute. T'as des éléments forts qui sont... faire penser. Mokoche. C'est mon nom. Oui. Oui, saurais-tu où Lito a décidé de loger ? Il nous a peut-être donné l'adresse de là où il logeait, mais s'il l'a fait, j'ai oublié. Mais je ne crois pas qu'il l'ait fait. Il nous a juste dit qu'il a trouvé quelque chose. Et les branquignoles, là, ils sont pas au courant, là, les deux, là. Si tu leur demandes, ils te répondent non, mais qu'ils devraient sans doute pas tarder à arriver. Ouais, bah, je vais l'attendre, là. Très bien. Au bout d'un moment, vous voyez sortir de la chambre initiale de Mokoche l'inconnu d'hier soir, avec cette fois-ci des tatouages tout neufs, si je puis dire, tatoués sur le front. Elle se dirige naturellement au niveau de l'endroit où vous prenez votre petit déjeuner et se sert également une part. Eh bien, qu'elle se sert ? Qu'elle se sert ? Alors, c'est si vous vivez. Non. Tu disais, j'ai pas entendu ce que tu disais. Du coup, c'est ici que vous vivez. La plupart d'entre nous, oui. Je m'attendais un peu mieux. On vient d'arriver. Ça va être mieux bientôt. J'ai hâte. Et comment est-ce que je pourrais vous aider pour ça ? Je suis extrêmement motivé à devenir moi-même. Une incroyable orgastique. Eh ben, très bien. Mais si tu veux nous aider, déjà, quel est ton nom et quels sont tes talents ? J'ai pas de nom. Alors il faut t'en trouver. Hein. Et je suis très doué pour me cacher et voir. Les gens arrivaient. D'ailleurs, vous avez de la visite. À ce moment-là, elle se retourne vers la porte d'entrée. Et en effet, vous voyez de l'autre côté, à travers l'une des vitres de la façade avant, plusieurs silhouettes. Peut-être des silhouettes à l'allure un peu militaire. Vous semblez voir la silhouette de fusil dépassée de certaines des épaules. Ok, ce sera peut-être la résistance. Ensuite, quelqu'un assez violemment à la porte. Je vais aller violemment, dire fortement, mais pas. Vous m'avez compris. Je vais aller ouvrir. Tu t'y diriges et lorsque la porte s'ouvre, tu sens t'arriver en plein visage le souffle et l'air marin, suivi juste derrière de plusieurs silhouettes. La première, tu la connais très bien, c'est celle de Joachim, qui semble avoir guidé les autres personnes jusqu'à vous, puisqu'il repart aussitôt, en te saluant gentiment au passage, avec un sourire comme lui seul en a le secret. Vous avez également trois autres personnes, les deux sur les côtés étant deux résistants, l'un d'entre eux avec de longs cheveux bruns, et l'autre avec le crâne rasé et son fusil en main. Pas pointé sur toi, je te rassure. L'homme au milieu, lui, semble être un néolibien, ou peut-être même un anubien. Tu ne sais pas trop, tu ne saurais pas trop les différencier, mais il a une tenue qui fait très mi-prêtre, mi-général. Tu ne saurais pas trop où le situer. Il fait une tête de moins que les personnes à ses côtés, et te sourit très gentiment. Bonjour. Bonjour messieurs, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Je me présente, Bayou. J'aimerais bien avoir une petite discussion avec vous, si cela ne vous dérange pas, bien sûr. J'ai entendu dire que vous étiez nouveau en ville, alors. Je souhaitais vous rencontrer. Très bien, vous pouvez patienter un moment ? Ma journée est assez pleine, j'aimerais pouvoir m'entretenir avec vous, autres. Pas plus d'une minute, je vous promets. Très bien, nous vous attendons alors. Je referme et puis je vais voir les autres et je fais. Il y a un néolibien qui est accompagné de deux miliciens qui veut nous voir et parler avec nous. Ah. Je vais rentrer. On va dehors, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on peut les faire rentrer, on est maître des lieux de toute manière. Eh bien, allons-y. Je retourne à la porte et je vais leur ouvrir. Excusez-moi. À ce moment-là. Et semble inspecter à peu près les moindres recoins de la sacristie. Je laisse pas trop fouiller non plus. Oui, quand je dis les inspecter, c'est du regard. Hein, c'est, oui. Il a pas. Et s'exclame. C'était donc vrai. Voyez-vous, je représente les intérêts des néolibiens en ville. Et j'ai entendu dire que la rumeur... parler d'un chroniqueur qui séjournerait en ville. Nous n'avons rien contre ça, rassurez-vous, mais j'étais curieux. Mmh. Bah, il est là. Enfin, c'est pas vraiment... Hein. Enfin... Je crois qu'il va vous expliquer. Oh, vous n'avez pas grand-chose à m'expliquer, rassurez-vous. Nous avons fait nos recherches et avons questionné nos amis helvétiques... dans la journée d'hier. Je sais très bien ce qui vous amène en ville. Ne vous inquiétez pas, si jamais vous souhaitez vous y cacher, nous ne vous dénoncerons pas à vos collègues chroniqueurs avec qui nous ne sommes pas personnellement en bon terme. Je voulais juste m'assurer que tout se passait bien et que vous ne mijotiez rien qui pourrait nuire aux intérêts du consul. J'essaie de prendre un air un peu rassuré, en mode, tu sais, un petit souffle, en mode, t'es un peu relâché. C'est bien aimable à vous. M'autoriseriez-vous à vous poser quelques questions, chroniqueur? Des questions peut-être qui pourraient vous sembler indiscrètes. Vous n'êtes pas forcé d'y répondre, rassurez-vous. Considérez cela comme une simple visite amicale. Tant qu'à faire, puisque vous êtes là. Mon unique objectif est de rassurer mes supérieurs quant à votre présence. Très bien. J'aurais quelque chose à vous proposer, si vous le voulez bien. Franco, merci. À ce moment-là, tu vois qu'il demande au résistant à côté de lui de lui tendre ce qui semble être une petite poche, un petit sac de laquelle il sort quelques morceaux d'ossements qu'il te tend. Si vous le voulez bien, je préférerais que vous les secouiez et les jetiez sur la table juste là avant chacune de vos réponses. Comme ça. Et à ce moment-là, il te dit Je vous assure que je suis ici amicalement et que je ne vous veux aucun mal. Et il les lance d'un coup sûr sur la table et les laisse se rouler sans trop choquer et s'arrêter. Soit. Ne vous y sentez pas obligé non plus. Non, mais si cela peut vous aider à être tranquille, tant mieux. Bien joué. Alors, dites-moi, qu'avez-vous projeté de faire ces prochains jours en ville? Quels sont vos projets, vos objectifs? Alors, comme demandé, je lance avant, si j'ai bien compris cette demande. Bon, alors, au moment de ta réponse, quoi, ouais. Ouais. Et je suis venu, enfin, là, actuellement, dans les prochains jours, mon objectif va être d'aller voir une rencontre, un nouvel ami néo-libyen et... j'ai pour but très rapidement de lancer un commerce en ville pour gagner un peu de dinars et pouvoir aussi aider comme je peux. Tu vois qu'il semble plus s'intéresser aux résultats donnés par les ossements, qui sont vraiment des tout petits morceaux, hein, je le précise, hein, c'est vraiment des pièces ridicules, que à ta réponse elle-même. À ce moment-là, il les reprend et te les tend à nouveau et fait « Oh, très bien, j'espère que tout se déroulera comme vous l'avez prévu. Ne vous en faites pas, les Néolibiens sont de très bons partenaires en affaires. » J'espère bien, surtout que ce dernier a une promotion très récente, donc... j'espère bien qu'il est à la hauteur de sa réputation. Au moment de vous occuper... de son cas, alors. Très bien. J'aurais quelques autres questions. Êtes-vous toujours en contact avec d'autres chroniqueurs, quels qu'ils soient? Ou membres du protectorat? Bah, membres du protectorat, il y en a autour de vous. Bien sûr, je parle évidemment, je rigole un petit peu de membres résidents actuellement au protectorat. J'en sais, vous avez peut-être une radio ou un rendez-vous de prévu à la forteresse helvétique. Ou au moins au camp de Carnest. J'ai effectivement un contact chroniqueur, mais celui-là n'est pas dans le cadre de ses fonctions. C'est juste un ami qui est resté ami, fidèle. Très bien. Le camp 2, vous avez dit? Pardon? Vous avez parlé d'un camp. Oui, celui de Carnest. Vous avez dû le croiser si jamais vous... Oui. Sage bien loin. Et vous, juge, qu'est-ce qu'il vous amène en ville? J'ai entendu dire qu'un malfrat avait été exécuté hier à proximité de Sacré Amiel. J'imagine qu'il ne pouvait être... personne d'autre que vous, là. Vu la scène de crime que l'on m'a croqué. Il est vrai. Pour vous expliquer la raison de ma présence ici, je ne vais pas vous cacher déjà que... Comment dire, j'ai eu certains désaccords quant à la nouvelle philosophie de justicienne vis-à-vis... de beaucoup de choses et on va dire que depuis que le protectorat et son influence s'effrite fait moins en moins bon d'être juge dans cette région. Vous accepteriez de me redire la même chose en jetant quelques ossements? Te dit-il en tenant une poignée. Sûr. Alors que tu t'apprêtes à la... Il la reprend au dernier moment et te dit « Pas la peine, en réalité, ça ne marche que pour les Anubiens. Je voulais juste savoir si vous accepteriez de le faire ou pas. » Mais alors, comment ça marche, votre truc, là? Oh, écoutez, c'est une science qui vous dépasse certainement, sous votre respect, juge, mais... Nous aurons peut-être l'occasion d'en discuter prochainement. Je repasserai peut-être de temps en temps voir si vous vous plaisez en ville. Et où est-ce En qu'on tout peut cas, vous rassurez-vous, trouver? nous ne voulons aucun mal et vous êtes les bienvenus ici. Toulon est une cité libre. Eh bien, nous en sommes bien heureux. Et où est-ce qu'on pourra donc vous retrouver? J'imagine plutôt sur Courageant. Oui, il suffira de demander Bayou à n'importe quel script que vous croiserez. Ils ont tous au moins entendu parler de moi une fois ou deux. Quelle est votre fonction exacte, si je puis me permettre? Je préférerais la garder pour moi encore quelques temps. Ah, toutes mes excuses. Pas de soucis. Eh bien, là-dessus, je vais devoir vous laisser. Mon emploi du temps est assez chargé, mais je vous souhaite un bon séjour. À ce moment-là, il redonne ce qu'il possédait à son résistant et se dirige vers la sortie. Il salue de ton côté, Mokosh, et fait: Oh, une dernière chose, j'allais oublier. Franco? À ce moment-là, le résistant à côté, donc le chauve, sans dire le moindre mot, lui tend ce qui semble être une bourse qu'il te jette, Mokosh, et à l'intérieur de laquelle tu trouves 50 dinars. Considérez cela comme un cadeau de bienvenue de la part du Sénat et de la banque. Eh bien, nous traquerons ce soir à la santé du Sénat et de la Banque de Toulon avec un grand plaisir. Très bien, et eh bien j'espère pouvoir trinquer avec vous le plus vite possible alors. Alors, nous Au n'attendons que revoir. ça. Au revoir. Et cette fois-ci, il se dirige réellement vers la sorte. Nous on est sympa. Non. Oui, outre que c'est des néo-libyens, ils ont l'air sympas. Toujours pas, hein. Il est juste venu montrer qu'il était beaucoup plus malin et qu'il savait beaucoup de choses. C'est pas très sympa comme comportement, quand même, de montrer que tu domines ton adversaire. Oui, mais c'était de l'ironie, Flux. Je pensais que tu avais des programmes pour détecter tout ça. Ouais, mais je suis étonné. D'habitude, tu es plus tranchant dans ton ironie. Très bien. Un peu plus tard, quelques minutes seulement, vous êtes rejoint par Lito, qui vous ramène une caisse remplie de nourriture en tout genre qu'il a pu trouver sur le marché. Puis il s'arrête d'un seul coup face à la nouvelle silhouette qui lui est inconnue, actuellement assise à la table et se retourne dans ta direction, Mokosh, l'air interloqué. Une nouvelle recrue. J'imagine qu'il faut Ça peut capitaliser faire sur la plaisir. jeunesse. Et bah, du coup, je vous laisse me dire ce que vous faites les autres. Pour l'instant, on est encore au début de journée. Torik vous a pas encore rejoint. Mais il ne vous devrait pas trop tarder. Moi, ma seule question, c'est, en gros, j'ai deux choses à faire principalement. La première, ça va être d'étudier la fameuse huile de Burdo pour savoir combien ça coûte, savoir si on va se la procurer légalement ou pas pour commencer à prévoir l'exploration. Et la seconde chose que je pourrais faire, c'est aller voir Hilar. Et sauf pour aller voir Hilar, j'ai besoin de toi, Mokage. On sait juste pour savoir en gros ce que tu vas faire de ta matinée. Et par rapport à ça, soit je vais voir l'huile, soit on va voir Hilar ensemble. Bien, je pense pas avoir d'obligation particulière pour le moment, même s'il va bien falloir que je m'y mette. Mais sinon, je suis encore libre. Après, même sans obligation, tu as le droit de vouloir faire autre chose. Ne t'en fais pas. Très bien. Donc vous décidez d'aller voir Hilar, c'est ça? Bah dans ce cas-là, oui. Très bien. Si je peux combiner de ma mocoche. Planifiez de le faire. J'imagine que vous prenez quand même un petit temps pour vous préparer, vous habiller Et pleinement je. et finir de manger parce que vous avez été interrompu plusieurs fois. Ouais, et je prends la petite avec moi parce que j'ai un peu peur de la laisser avec Lito et D'accord, très bien. qu'il ait des problèmes hein, tous les deux. Au moment où vous vous apprêtez à partir, vous voyez au loin la silhouette de Tori qui approche. Peut-être l'air un petit peu étonné, puisque Toric, plus tu t'approches de la sacristie, plus ton mollusque semble s'activer. D'ailleurs, j'ai oublié de te le dire, Toric, mais tu gagnes 20 dinars de plus, 25 dinars pardon, de plus pour l'opération que tu as effectuée ce matin. Ceux-ci t'ont directement été remis par 20 combien, tu m'as proche. dit? 25 dinars de plus. 25. Ok. Et t'es plutôt content parce qu'aujourd'hui tout s'est bien passé pour toutes les personnes que tu as aidées. C'est vrai. Alors, je commence à m'acclimater un petit peu au coin, donc ça va. Malgré tout, plus tu t'approches de la sacristie, plus tu remarques que ton mollusque semble étonnamment bouger. Ok. D'accord. Bah, on va voir ce qui s'y passe. Très bien. Lorsque tu t'en approches, tu observes la silhouette de Jacquard, Flux et Mokosh, ainsi qu'une jeune fille que tu ne connais pas. D'accord. Bah, je m'avance vers eux. Et de façon assez discrète, si je peux, eh bien, je vais essayer d'approcher mon dilacérateur, en gros, sur à côté de la fille. En gros, je marche et puis je viens me placer de telle manière à ce que mon dilacérateur soit assez proche de la fille et voir si c'est plus la fille qui agit ou pas. Très bien. En effet, en t'approchant d'elle, tu remarques qu'il semble s'agiter un peu plus. Malgré tout, tu es assez étonné puisque au moment où tu la regardes, elle te regarde elle-même fixement dans les yeux et te dit « Bonjour, Torik !» On se connaît ? J'ai entendu parler de vous. En bien, j'espère. Oui, on peut dire ça. Et qui donc a parlé de moi? Une diseuse de bonne aventure. Ok, qu'est-ce qu'elle a dit sur moi? Elle a dit... Torik est hospitalier. Ouais. C'est correct. C'est correct. C'est marrant. Tu sais comment je m'appelle, moi? Non. Désolé, mais vous êtes... je suis un peu une indie confite, genre... d'accord. Je suis déçu. Et d'accord, mais du coup, mais qu'est-ce que tu fais ici? Enfin, tu viens me voir ou tu viens voir quelqu'un d'autre? Je sais pas, je regarde un peu tout le monde. Pour dire ça le plus succinctement possible, disons que la diseuse de Bonne Aventure m'a renseigné sur des gens qui pourraient s'occuper de moi s'ils faisaient un saut en ville. Et étant donné que c'est le cas, alors j'ai sauté sur l'occasion. D'accord. Donc je suppose que tu connais du coup Mokosh. À la caisse. Flux. Oui. Dis-moi, Torek, c'est quoi qui t'a fait penser qu'elle me connaissait? C'est le signe sur son front qui est exactement le même que le mien? C'est vrai que sur le coup, tu vois, je réalise maintenant qu'il y a ce signe-là, que je n'avais pas tout à fait attention parce que du coup, j'étais concentré sur le dilacérateur. Et le fait qu'il m'a mouché en m'appelant Torik, maintenant... Lorsque le vent dégage un peu ses cheveux retombants, tu distingues exactement le même signe, simplement moins posé et encore avec quelques croûtes autour... Et je regarde Mokosh et attends, me dis pas que c'est toi qui as fait ça. Qui a fait quoi? La petite ou le tatouage? Le tatouage sur la tête de la petite. Ah, elle a commencé. Que t'es adepte de ce genre de tatouage. Ouais. Je regarde discrètement voir si elle est pas trop blessée ou ça n'a pas, y a pas de risque d'infection. En l'observant, en effet, au niveau du tatouage, tu sembles constater que ça a l'air d'aller. Par contre, tu remarques traces peut-être qui pourraient avoir l'air inquiétante, notamment au niveau de son nez qui est absolument pas droit et comment dire, au niveau de son cou et des parties de chair qui dépassent du t-shirt. T'observes des couleurs un peu originales pour une peau normale qui semblent être des espèces de bleus ou d'hématomes présents à différents endroits. Comme si elle avait été frappée. Oui, ouais, exactement. Et le nez, c'est récent ou elle a le nez tordu à force même que. Comment dire, le nez a une couleur parfaitement normale, donc visiblement, c'est juste que maintenant, il est comme ça. De ce que t'en sais. Ok. Du coup, tu connais mon nom, et tu connais le nom de mes camarades, mais toi, comment tu t'appelles ? J'ai pas encore de prénom, mais j'y travaille. Ah. Ok. En fait, lorsque ma mère m'a envoyé ici, elle a dû le dire aux gens qui m'y ont déposé, mais eux ont dit oublier de le dire au propriétaire de l'orphelinat qui n'en a de toute façon rien à faire. Ah, une orpheline. Ok, je comprends. Le seul moyen de m'appeler là-bas est par le terme de superviseur. Et donc c'est toi qui t'es fait ça au front ? Mokosh m'a aidé. Ah ! Ok, elle t'a aidé. Mokosh, qu'est-ce que t'as fait encore ? Je pars du principe que là, à ce moment-là, vous expliquez rapidement à Torik quel est votre objectif et que vous commencez à marcher tranquillement en direction de là où devrait sans doute vivre à peu près Hilar. À moins que quelqu'un d'autre ait quelque chose à faire. Mais ça peut être une bonne discussion à faire durant le trajet. Ouais, du coup, moi, je commence à... J'en profite aussi pour un peu me renseigner sur ce qui s'est passé réellement. Et donc, ils vont m'expliquer ça au fur et à mesure du chemin aussi. Et voilà. En tout cas, je regarde Mokosh avec un petit œil, genre... Ouais, si tu commences à t'attaquer aux enfants, ça va... Dis l'hospitalier qui a fait cramer un village de. Ah, moi j'ai rien fait cramer du tout. Moi j'ai rien fait cramer du tout. Je ne suis pas responsable. Non, je veux juste appeler la division SS qui était stationnée à côté. Je n'en ai référé qu'à mes supérieurs qui ont fait le choix de ça pour sauver des milliers de gens. Pour le bien de commun. Manière, on en a déjà discuté entre nous et au final, tout le monde est d'accord, même s'il y en a qui veulent pas l'avouer, que Torek est entièrement coupable. Je suis pas d'accord, mais c'est ton avis. Moi, je suis d'accord avec Mokosh, vous dit la petite. La princesse de Bonne Aventure m'avait parlé de cette histoire. Hein ? Je... Mais ta tisseuse de Bonne Aventure, tu l'as vue où ? Dans l'éther putain. Ok, et par quel procédé peux-tu me dire ? Elle est arrivée à voir ce genre de vision ? Elle a ouvert les entrailles d'un poulet et m'a dit « Je vois ta mère, une anabaptiste et un hospitalier. » Je vois ta mère, une anabaptiste et un hospitalier. Oui. Et ça... Qui rentre dans une auberge... sous la neige. Et quand ils ressortent, le village brûle. Et alors là, j'ai un mindfuck de ouf. Genre, ta mère, Tu la connu, fille semble avoir 11 ans. T'as pas connu ta mère? Non, pareil, qu'elle était trop jeune. Ok, donc là par contre, j'ai à un moment donné, je pense à. Ça cogite, ça fume de ouf et. J'ai peur de savoir, de connaître la réponse. T'arrives pas à savoir si elle dit la vérité ou si c'est simplement un enfant qui déraille et qui. Ouais, je fais des calculs des quand même. Je suis pas vraiment censé savoir. Elle avait quel âge, Abby? Elle avait quel âge, Abby? Abby, quand vous l'avez connue, il me semble qu'elle avait 22 ans. Et là, la gamine, elle a quel âge à peu près? Elle en a une dizaine d'années. Et Abby, aujourd'hui, aurait du coup aux alentours de 25. 24-25. On n'avait pas donné les dates d'anniversaire. Tu m'as dit que la gamine, elle a 10 ans. À peu près, ouais. Qui voudrait dire, si tu devais calculer rapidement dans ta tête, que si Abby, si c'est vraiment la fille d'Abby, sans doute qu'elle, cette dernière, l'a eue quand elle avait 14-15 ans. Ça fait très jeune. Ça fait très jeune. Hein. Mais oui. Bon, après, malheureusement, c'est quelque chose de possible, hein, de scientifiquement possible. Oui. Ok, bon bah je ne dis plus rien à ce moment-là. Moi je n'ai rien dit, mais j'apprends aussi des choses en même temps que Torek. Mais du coup, Mokosh ne dit rien, mais par contre, pendant cette discussion, il y en a certains qui ont tourné le regard à Mokosh. C'est les yeux de Mokosh qui ont doublé de size, de taille dans cette discussion et qui, elle aussi, du coup, fait des calculs. D'autant plus que cette dernière avance relativement en tête du groupe et d'ailleurs balance 2-3 anecdotes sur les gens que vous pouvez croiser. Par exemple, en passant auprès du quartier des épiceries, elle vous annoncera qu'ici le prix est beaucoup trop cher. En passant près du cirque, elle vous dira que Jacques, d'ailleurs que vous connaissez, a perdu plusieurs fils pendant la guerre. En passant cette fois-ci au niveau des terres putains, elle vous racontera que tel restaurant est en fait un bordel déguisé, qu'il ne faut surtout pas commander le plat du jour. Tout un tas de petites histoires qu'elle a entendues et oui dire. Vous arrivez finalement à court argent, vous demandez donc, j'imagine, à quelques passants s'ils connaissent Hilar. Ou en tout cas, où est-ce que vous pourriez le trouver? Il me semble pas que je vous avais donné son adresse. À vous de me dire, je peux remonter vite fait. Dans les informations. Bah, c'est déjà rendu chez lui? Ou c'est lui qui est venu à nous? Ah, vous êtes déjà allé chez lui? Non. On s'est jamais rendu chez lui. Jamais. Et on l'a pas vu. On l'a pas revu encore depuis. Mais depuis qu'on est rentré, on l'a pas vu. Ouais. Ok. Bon. Mais de toute façon, normalement, il nous a dit d'aller le voir, donc. Il a dû laisser les indications. Oui. Fais-moi un petit jet d'instinct orientation. Avec une difficulté de 2 seulement, parce que j'imagine que vous posez des questions aux gens que vous croisez, ça sent pas mal se faire ici. Et vous avez le droit à un bonus de 2D si quelqu'un est capable de me ressortir le nom de l'homme que Mokosh a tué. Enfin, qui a laissé tomber dans le vide. Attends, quoi? En gros, là, je pars du principe que vous êtes un petit peu en train de demander à droite, à gauche, essayer de trouver votre chemin, trouver les résidences, savoir où est-ce que vous pourriez trouver Hilar. Mais c'était pas sa résidence, d'accord. Oui, c'est vrai que c'était la résidence de son père. Vous l'avez trouvé dans celle de l'autre, dont il vient d'hériter. Donc si jamais vous êtes en plus capable de me redonner le nom de l'ancien, l'homme qui a chuté, je vous autorise un bonus de 2D à votre jet. Et du coup, c'est un G2 Instinct orientation. Ok. Ça marche si on dit la personne qui est malheureusement morte avant son arrivée ici? Pardon? Ça marche si on dit la personne qui est malheureusement morte juste avant son arrivée ici? Non, malheureusement, ça je le compte dans le jet de base. Ah, très bien. Bon, je vous laisse me donner pour ça. Moi j'ai fait. J'ai pas donné la peine de chercher, je ne trouverai pas. J'ai mis 2 réussites et un déclencheur, dont un déclencheur. Même ça. D'accord. Tu m'as dit que c'est pardon, j'ai bugué. C'était quoi le instinct orientation? Vu que ça fait une réussite. En même temps, que je le fasse ou pas, Deux réussites, un déclencheur. Très bien, vous arrivez à trouver. À force de demander, en effet, vous tombez sur des petits gars qui ressemblent, en tout cas, semblent faire partie du même groupe que Joachim. Vous reconnaissez ça un petit peu à la tenue. Et à leur position, à leur manière d'orienter tous les gens que vous croisez. L'un d'entre eux vous dira Ah oui, celui qui est mort. Ouais, bien sûr, c'est par là. Bah, vous remontez la rue, vous passez à gauche à ce niveau-là. Vous faites le signe au cas où vous ne sauriez pas où se trouve la gauche. Et bah, ce sera la villa tout au fond. Vous pouvez pas vous tromper, ils sont en train de tout virer ce qu'il y avait à l'intérieur. Vous suivez ce petit trajet. Et en effet, vous finissez par tomber sur une espèce de grande maison en pierre blanche. Qui se trouve un petit peu à l'ombre du palais, le grand palais de Hamza que vous distinguez derrière. Et devant laquelle des ferrailleurs africains semblent décharger des affaires. Certains semblent en faire rentrer et d'autres en faire sortir. Un peu plus loin, vous voyez plusieurs enfants poser et jouer avec des espèces de grandes poupées qui ont un peu inquiétantes, qui ont été faites. Leurs cheveux semblent étonnamment humains. Et leurs yeux, ce sont des petites croix qu'on a fait en bout de ficelle. Les enfants, eux, sont relativement bien habillés, des espèces de petites robes blanches très propres. Tandis que de l'autre côté, vous avez une femme en train de discuter avec Hilar, que vous reconnaissez au ton de sa voix et à sa manière de donner des ordres de assez autoritaire. Il aiguille les ferrailleurs qui s'occupent de tout décharger. Et visiblement de repeindre un pan de mur ainsi que de changer la position de certains éléments du jardin. Allez-y, plus à droite. Oui, non, pas comme ça. À droite, je vous ai dit. Voilà, trois pas. Oh là, oui, voilà, c'est bon. Et lorsqu'il vous voit arriver, s'arrête et fait « Oh, mes amis !» Comment allez-vous ? Salut. Ça va, en plein déménagement. En effet, je suis en train d'investir mes nouveaux locaux. J'espère que l'endroit vous plaira. Est-ce que vous voulez entrer à l'intérieur, boire quelque chose de frais ? Oui, et de très fort. Pas forcément très fort. On devrait pouvoir vous... s'il vous plaît, dit-il à une servante qui semble passer. J'aimerais que vous nous serviez à boire à moi et à mes invités. Nous vous retrouvons dans le grand salon. Suivez-moi. À ce moment-là, il vous fait passer par l'entrée principale. C'est une espèce de grande ouverture très récente qui a dû être faite il n'y a pas si longtemps, avec deux espèces de colonnes pour tenir une espèce de pré-entrée. À l'intérieur, vous avez un petit hall joliment décoré avec... une grande pièce très illuminée, très éclairée, avec de grandes fenêtres, un plafond très haut, et un escalier qui semble mener à un étage, un autre escalier qui semble donner un sous-sol, et plusieurs autres pièces accessibles sur les côtés. Vous vous asseyez sur une espèce de grand canapé rouge, qui est de très bonne facture, et très très confortable, et une servante africaine vient vous voir avec plusieurs bouteilles. La première semble être une bouteille d'alcool, sans doute un bon alcool, il n'y a pas d'étiquette dessus, tu ne sais pas trop dire Jacquard. Vous avez également un petit seau dans lequel se trouvent quelques glaçons qui ont été tailladés récemment, ainsi que une espèce de grande bouteille de jus d'orange. Et évidemment des verres en cristal. Qu'est-ce que vous commandez ? Pour information, si ça intéresse des gens, vous n'avez jamais bu de jus d'orange. Bah, pourquoi pas un jus d'orange ? Ouais. Vous avez rien de plus fort ? Toute vie, un petit cognac, je sais pas, moi... Vous pouvez boire de l'alcool ? Enfin, je sais pas s'il y en a beaucoup par chez vous. Je m'adresse à la bien. Non, on est bien. Ah, il a. Ah, il a. Ok. Oh oui, bien sûr, je me permets toujours de boire pour fêter la réussite d'une concession ou d'une expédition dans les marais, mais jamais pendant le travail. Eh bien, buvons votre réussite. Bonjour, merci. Tu vois que lui, en effet, il sert un mélange d'alcool et de jus. Bah, je crois dans la même chose. Et quelques glaçons, secoue tout rapidement, et tandis qu'on vous sert également ce que vous aurez demandé, lèvera son verre et va boire tout quasiment. Non, j'allais dire d'un coup, mais même pas en fait. Au contraire, il semble plutôt en profiter et en savourer chaque coup. Alors, qu'est-ce qui vous amène? Eh bien, mon Je cher. vous dois une. Je vous dois une fière chandelle si jamais vous avez besoin d'un coup de main, quel qu'il soit, d'un petit peu d'argent ou autre. N'hésitez pas, je vous avoue que je ne vous ai donné que quelques centaines de lettres de. Que dinars, pardon. Non, lettres de change. Mais maintenant que tout se passe exactement comme prévu, je pourrais me permettre de vous léguer un peu plus. Comment se passe votre installation? Oh, eh bien, comme vous le voyez, les choses se font petit à petit. Je viens juste d'arriver, alors il a fallu d'abord que je prévienne la veuve et ses enfants de la nouvelle, de la triste nouvelle. Je leur ai légué une forte somme d'argent pour compenser, puisque cela n'était pas dans les termes de notre contrat. Et puis, j'ai pris rendez-vous avec la banque du commerce hier après-midi, et me voilà enfin dans ma nouvelle demeure. Très Toi, tu passionnant tout savais ça, mais si oui. on est venu avec de bonnes raisons, comme vous le dites, mon cher. Vous devez une fière chandelle, et il semblerait que vous m'ayez proposé un marché intéressant la dernière fois que nous sommes vus. Voyez-vous, j'aimerais délaisser quelque temps l'économie et les investissements. Pour quelques. En tout cas, les délaisser, investir dans quelques commerces très sûrs et me consacrer avant tout à la politique. Et si jamais je veux m'acheter une place au consul de Toulon, il me faudrait quelque chose à leur proposer en échange. Nous sommes entre nous, nous pouvons discuter comme bien nous semble, comme. Oui. Alors. Je vous le dis très clairement devant tout le monde, si jamais vous avez quelques informations sur les chroniqueurs à me partager, surtout n'hésitez pas. Bien justement, c'est intéressant, mais je suis là plutôt pour convenir d'un marché. Vous parlez d'investissement sûr, et justement, c'est quelque chose dont j'ai besoin dans un temps proche. Et je me dis que ça serait dommage de réduire notre relation à quelque chose de court, et que ça serait peut-être plus intéressant d'installer une relation de confiance sur le long terme. J'avoue que la première fois que vous êtes venu, votre proposition m'a un peu mise en colère, vous comprenez, ce n'est pas forcément toujours facile à accepter, mais vous m'avez laissé le temps de pouvoir réfléchir, et je pense que c'est quand même un marché tout à fait honnête. Alors, Vous avez mis l'émotion de côté, c'est ce qui compte. moi et mes amis ici présents, on aimerait assez rapidement trouver un moyen de se détacher malheureusement du marché, du fait de devoir faire le change entre l'être de change et le dinar dans lequel nous sommes perdants. Ce qui est bien normal, mais il faut aussi que nous puissions vivre de manière correcte, je pense que vous comprenez ça. Du coup, Oui, bien nous sûr. assez rapidement installer un petit commerce, une petite étable, quelque chose pour commencer à faire ses premiers bagages, de pouvoir vendre, de pouvoir être indépendant financièrement sans dépendre de qui que ce soit. Et justement, votre proposition me semble être intéressante, et voilà ce que je vous propose. Pour nous remercier, mais aussi en échange du coup des informations que je vous échangerai, au lieu de me verser petit à petit plusieurs sommes d'argent qui m'arrangent, vont pas m'arranger, nous passons un accord. Hein. Vous m'aidez à financer ce nouveau commerce, vous êtes juste mécène, hein, comme on dit. Nous avons aussi des finances, vous ne paierez pas la totalité du commerce. Et une fois en route, moi, je viendrai régulièrement vous donner des nouvelles que j'arriverai, je prendrai mensuellement, je pense, à Bayonne du serveur, si ça vous intéresse. C'est un bien beau projet, écoutez. J'aurais une contre-proposition à vous faire. Je suis tout. Pour celle-ci, j'aimerais que nous rendions à l'étage avec vos hommes de confiance. Je ne sais pas si c'est un endroit propice aux hospitaliers, aux juges et aux enfants, sans aucun mépris. Si vous voulez, nous pouvons vous apporter à manger pour vous occuper. Avec plaisir. Ça me va. Tant que j'ai l'anabaptiste avec moi. L'anabaptiste peut venir, en effet. Je lui fais confiance. Très bien. Du coup, je me tourne juste vers la petite et... je fais signe juste de rester avec... Avec ton tonton Rick, hein? Tu vas rester avec ton tonton Rick. On va discuter tous les deux. Maria, savez donc l'heure de la mouette. Faites-leur goûter les spécialités locales. Il parle à ce moment-là à la servante qui se dirige en direction des crues. Je vous en prie, faites comme chez vous. Tandis que vous dirigez du coup Torik, Flux, Mokosh, Hilar, en direction de l'escalier, cette fois-ci vous voyez des hommes descendre avec une espèce de grand tableau qui représente l'ancien propriétaire des lieux. Hilar ne pourra pas s'empêcher de poser la main sur le bord de ce dernier et le regarder une dernière fois dans les yeux. Avant de reprendre la montée de ses escaliers, d'ailleurs vous voyez qu'il a... mis ses meilleurs gants en soie, peut-être, vous savez pas trop de quelle matière ils sont faits, qui sont des gants très fins, très blancs, et qu'il semble prendre un plaisir particulier à les poser sur la grande rambarde en bois des escaliers et à la maintenir posée tout le long jusqu'à l'étage. À ce moment-là, il vous conduit jusqu'à un bureau où vous voyez... accroché au mur plusieurs cartes de la mer Méditerranée reliant notamment la ville de Tripoli et Toulon. Vous voyez également plusieurs livres posés derrière des espèces d'étagères avec des vitres, du papier, de quoi écrire, quelque chose de très sympa et également une grande fenêtre à l'arrière qui donne sur la ville, sur Courage. Voilà, ma contre-proposition est la suivante. J'accepte d'investir potentiellement dans un local sur les terres putains ou Port-la-Gagne en fonction de ce qui vous intéresse le plus. Et ce, massivement, à hauteur de peut-être plusieurs milliers de dinars, si à condition vous acceptez de faire une dernière course pour moi. Quelle est-elle ? Quelque chose d'assez particulier. Pour lequel j'aurais besoin de l'aide de personnes peu scrupuleuses. J'aimerais m'entourer des limiers d'Ayubu ou de n'importe quel fléau en ville, mais je ne leur fais pas confiance. Ils ont un certain sens du devoir qui m'est étranger et qui pourrait les pousser à tout reporter à leur super. Donc je vous laisse lui répondre. Du coup, j'attends, enfin, je lui avais dit, pour reprendre, on s'est arrêté juste de nous expliciter sa missive. Et... J'ai besoin que vous infiltriez les entrepôts sur le quai et que vous y exfiltriez quelques caisses qui me seraient intéressantes et profitables. La mission est à la fois plus simple et plus corsée qu'il n'y paraît. Le souci principal que vous allez avoir va être de rentrer à l'intérieur de ces derniers. Il faudrait faire ça de nuit si possible. Et le principal obstacle, et le seul en réalité qui se trouvera sur votre chemin, sera quelques fléaux accompagnés de hyènes qui feront le tour de ces derniers. Il faudrait trouver un moyen, je ne sais pas, de dissiper leur attention. Une fois à l'intérieur, et je peux pour cela vous fournir les clés, pas la peine d'ouvrir les grandes portes, il y a toujours de petits passages fermés. Entre, heureusement j'ai pu me fournir grâce à mon ancien collègue de quoi les emprunter. Vous rendre à l'intérieur, repérer les caisses numérotées que je vous fournirai, et simplement ouvrir l'autre côté de l'entrepôt et les jeter à la mer. Ensuite, vous pourrez aisément les repêcher depuis l'autre côté des quais, qui seront bien moins gardés, et me les livrer à l'intérieur d'un autre entrepôt dans lequel je vous retrouverai. Ces caisses ont beaucoup de valeur et je pense pourraient m'être très profitables. Puis-je demander ce qu'il y a à l'intérieur? Oui, je peux vous le dire. Elles contiennent de l'huile de Marduk que je compte utiliser en masse pour lancer plusieurs expéditions très certaines à l'intérieur des marais. L'argent que les expéditions me rapporteront me permettront d'investir massivement dans le cours du pétrole, qui est une valeur sûre puisqu'il est utilisé plus que mesure en ville. Ainsi que dans la région, dans les régions annexes. En tout cas, certaines en contiennent suffisamment et le reste me regarde uniquement. C'est très intéressant parce que j'ai du coup une proposition à vous faire. Encore sachez que pour des elle ne va pas à l'encontre de la vôtre, mais disons que j'ai besoin moi aussi de cette fameuse huile. Hein. Pour une expédition aussi, ça tombe bien. Et j'aimerais savoir s'il y a moyen de s'arranger. Est-ce que vous avez une petite part que vous pourrez laisser glisser dans notre poche? Est-ce que... D'accord, peut-être... mais dans ce cas-là, j'investirais moins que prévu dans un premier cas. Alors, est-il possible que vous nous fassiez une vente à moindre prix de cette huile, hein? Vous toucherez quand même plus d'heures du coup là-dessus, vous ne serez pas totalement perdu. Très bien, j'accepte. Ok. Je vous proposerais bien de mettre cela à l'écrit, mais vu le teneur de nos actions, cela serait trop risqué. Mais sachez qu'à l'avenir, j'accepterai de faire tout de manière officielle. C'est le dernier coup bas que je souhaite faire de ma vie de néo-libyen. Sacrée vie. Bien. Mokosh, qu'en penses-tu? J'imagine que c'est équitable. Parfait. Je vous fais la liste des caisses à récupérer ainsi que le nom de l'entrepôt. Il s'agira donc de l'entrepôt numéro de l'entrepôt F et des caisses 326, 327, 328 et 329. Voici les clés qui vous serviront à pénétrer l'intérieur. Comme je vous l'ai dit précédemment, il serait de bon augure de vous débarrasser des fléaux qui garderont les entrepôts en effectuant une diversion quelle qu'elle soit. Normalement, cet entrepôt-là n'est pas extrêmement gardé, l'huile n'est pas censée se trouver à l'intérieur. Mais j'ai pu mettre la main sur quelques relevés de transactions qui pourront nous y guider. Et surtout, ne tardez pas car elle sera acheminée vers Montpellier dès demain matin. Retrouvez-moi ensuite à l'entrepôt numéro X qui se trouve à l'arrière et qui m'appartient. Nous serons tranquilles, celui-ci ne sera pas gardé. Je m'en suis assuré. Il est officiellement vide d'ailleurs. Il vous suffira de taper 5 fois à la porte et puis je vous ouvrirai depuis l'intérieur. Je Bien, pense que parfait. Nous avons là-bas les détails de nos opérations. Et que nous partagions la somme à cet instant. À moins que vous ne vouliez une avance. À vrai dire, j'aimerais juste m'assurer d'une chose. J'ai parfaitement confiance en vous, mais je sais qu'on représente aussi pour vous un petit danger, au sens où si on révélerait ce qu'on sait, on pourrait vous mettre à mal. Sachez juste que si cette mission a pour but de nous piéger, on saura se venger de manière beaucoup plus violente que ce que vous pouvez imaginer. Encore des menaces. Ne vous en faites pas, si jamais vous souhaitez vous dénoncer, je sais qui mes confrères néolibiens souhaiteraient croire entre la parole d'un chroniqueur et celle d'un de leurs confrères. Oui, parfaitement. Je dis juste que en cette situation cela, pourrait être avantageuse. Vous n'avez pas. Je n'ai rien à craindre. N'hésitez pas à demander 50 dinars à Maria si vous le souhaitez. En partant, dites-lui que vous venez de ma part. Cela devrait suffire à vous permettre de vous acheter suffisamment de matériel pour vous occuper des hyènes. Peut-être que, je ne sais pas, un feu ou autre chose devrait suffire. Je n'ai pas trop d'imagination. J'imagine que cela est plus de votre ressort. Non, trop pas Parfaitement, grand-chose. parfaitement. Pendant ce temps-là, de quoi est-ce que vous discutez en bas? Tandis qu'on vous ramène un repas chaud qui ressemble de loin à un poulet, mais qui est en réalité un peu plus fin. C'est une mouette grillée. Bah, du coup, comme j'ai la petite à côté, déjà elle m'intrigue avec tout ce qu'elle m'a dit. Mais en plus, mon mollusque réagit à sa présence. Je dis, mais ça fait longtemps que tu es sur Toulon? Depuis toute petite. Il faut Tu es savoir que à... l'orphelinat de Toulon est un des seuls de la région et que c'est sans doute le plus grand du monde. Mais tu es arrivé... Ah, tu es né à Toulon ou tu es arrivé très jeune ici? Enfin, tu te Je crois rappelles que je... avoir été auparavant? Ma mère a dû accoucher dans les environs, ou en tout cas suffisamment proche d'ici, même si c'était peut-être pas en Franca, pour qu'elle ait entendu parler d'un orphelinat qui payait pour récupérer des enfants, à qui l'on fournissait un travail durant de nombreuses années de leur vie, jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment grands et fortunés pour acheter leur liberté. Alors elle m'aura confié à des marchands qui, comme beaucoup, ont tendance à faire un double profit en plus de leurs marchandises, transportant des enfants qu'ils acheminent jusqu'à l'orphelinat, qui se remplit ainsi de plus en plus. Dites-vous qu'on doit être plusieurs centaines de fois supérieur à vous, hospitaliers et anabaptistes réunis en ville. Ce qui fait donc 100. Oui, j'entends bien. Trois super. Est-ce que tu saurais me donner enfin, l'endroit ou le nom de cette diseuse de bonne aventure, enfin cette voyante qui t'a orienté vers nous? Elle bouge beaucoup. Tu sais son nom? Lila. Lila. Lila, la diseuse de bonne aventure. Tout le monde la connaît là-bas. Elle peut tout Liseuse de deviner? bon. Absolument tout. Comme, je sais pas moi, le prénom de cette serveuse là-bas. Si vous lui demandez, oui. Surtout si la dite serveuse lui sert une mouette éventrée juste avant. Mais elle lit aussi dans les cartes, dans les os et dans les lignes de la main. D'accord. Petite question. Après, je sais que, étant hospitalier, je peux peut-être t'intimider par rapport à ça, mais est-ce que tu as déjà consommé de des bourgeons? Non. Tu sais bien que c'est illégal, bien sûr. Bien sûr. C'est pas bien. D'accord. Faut pas en prendre. Et donc, maintenant que tu nous as trouvés, qu'as-tu l'intention de faire? Eh bien, j'aimerais bien m'engager dans les anabaptistes et j'ai l'impression que c'est déjà chose faite. En fait, si j'en crois les dires de la diseuse de bonne aventure, Ma mère était sans doute la plus grande, comment dire, manipulatrice et séductrice au monde, et sa compagne la plus grande guerrière qui pouvait l'accompagner. Alors j'aimerais bien incarner un petit peu des deux. Savoir parler Okay. et tuer lorsque parler ne sert pas. Malheureusement, peut-être que ma mère serait encore en vie si elle avait usé de ces deux privilèges. Mais quand tu parles de sa compagne guerrière, tu évoques Mokosh? C'est ça. Et est-ce que ta mère faisait le partager du temps aussi avec un hospitalier, disons de façon régulière? Ça, la diseuse de mon aventure ne m'en a pas parlé. D'accord. Non, Je n'ai mais. pas posé la question. Ok. En tout cas, je vais être honnête avec toi. J'ai un doute sur le fait de l'identité de ta mère. Et si c'est bien la personne que je pense, je serais assez surpris et. Si c'est elle, sache que je l'ai bien connue. Maintenant, il faudrait que j'arrive à peut-être rencontrer cette Lila pour en savoir un peu plus. Oui, n'hésitez pas à la demander. Tout le monde la connaît. Ouais, bah je le ferai, je le ferai. Je te mets juste en garde. Je sais, j'ai cru comprendre que tu avais une admiration naissante et croissante pour mon ami Mokosh. Sache que la vie qu'elle mène depuis de nombreuses années est parsemé de dangers et de combats plus ou moins dangereux. Donc, fais attention à toi, car voilà, notre ami qui n'est plus là aujourd'hui a connu un destin funeste et ça fait partie aussi de notre vie. Donc, tu es jeune, tu as la vie devant toi, l'avenir, plein de choses à faire. Donc, réfléchis bien à ce que tu veux faire avant de te lancer là-dedans. Ouais, il n'y a rien de pire que l'orphelinat. Certes. Là-dessus, vous pouvez redescendre Flux et Mokosh, à qui la servante Maria, qui semble faire des plusieurs allers-retours entre la cuisine et le salon, vous tend également quelques morceaux de nourriture, cette fois-ci dans un bol dans lequel vous pouvez piocher. La réunion avec Monsieur Hélard était-elle plaisante? Très, très. Très bien, parfait. Je fais un signe de tête Est-ce qu'elle a à sorti? Efflux et Mokosh en sens savoir si ça a été ou pas. Genre le. En langage des signes. D'accord. Et bien sur ce, je vous remercie, madame, pour cette mouette. Qui fut fort délicieuse. Je n'avais jamais goûté avant et je suis plutôt impressionné. Je n'aurais jamais cru qu'un oiseau tel que la mouette puisse être aussi bien cuisiné. Oui, vous êtes une véritable corbeau bleu. C'est un mets que vous cuisinez souvent. Pour les grandes occasions, je ne connais pas encore très bien monsieur, mais j'imagine que nous serions amenés à en refaire, oui. C'est quoi votre petit nom? Maria. Enchanté, Maria. Bon, je suppose qu'on s'en va. si quelqu'un souhaite faire quelque chose, vous dire. Maria, oui. Notre hôte nous a proposé 50 dinars. Vous pouvez bien entendu lui demander confirmation. C'était pour savoir du coup si nous pouvons y avoir accès. Oui, bien sûr, suivez-moi. À ce moment-là, elle se dirige en effet sur une, vers une autre salle sans te demander confirmation, enfin sans lui demander confirmation ni quoi que ce soit. Dans laquelle une espèce de petit salon cette fois-ci, plutôt bibliothèque, avec énormément de livres et des coins assez confortables pour s'installer, et au fond un véritable coffre-fort incrusté dans le mur. Elle semble rentrer le code d'une combinaison. Et alors le coffre est plutôt petit, c'est sans doute pas celui qui détient tout l'argent de la maison, mais à l'intérieur se trouvent plusieurs documents ainsi que des sacs de dinars. Elle récupère une feuille et te dit combien vous m'avez dit ? 50. Très bien. Elle déduit 50 de la somme totale et te les rend sous forme de dinars. Je laisse les ajouter. Là-dessus, vous repartez et je pars du principe que vous expliquez un petit peu le plan actuel Flux et Mokosh, en tout cas ce qui a été dit. Lors de la réunion aux autres. Sauf si vous souhaitez garder ça pour vous. Non, bah du coup, oui, on va le partager. On est actuellement en début d'après-midi, hein, pour préciser, peut-être même début, milieu d'après-midi, parce que vous avez quand même traversé plusieurs quartiers. J'aimerais savoir ce que vous avez projeté de faire donc pour le reste de votre journée. Alors, moi, j'ai une chose à faire. Pour trouver, c'est le moment de décider ce que vous allez. Bah, déjà, je propose que ceux qui veulent nous aider, parce que le groupe est un peu inclus, pour ce soir, qu'on se retrouve d'ici une heure ou deux et qu'on commence à faire du repérage, qu'on commence à faire une stratégie et qu'on voit comment on va faire pour s'en sortir, parce que ça va pas être à minuit qu'on va décider comment détourner l'attention des hyènes. Mais avant ça, voilà, je propose qu'on a une heure ou deux où chacun peut aller faire une petite mission s'il veut, parce que moi, j'ai un petit truc à faire. Donc, si ça vous va, on fait ça. Moi aussi, ouais. Pourquoi pas, lundi. Je profite du coup du moment que tu fasses ta mission pour faire la mienne. Il consiste à trouver cette fameuse Lila. Ok, très bien. Torik, ouais. Je vais donc te demander un jet d'instinct orientation. Commencez par toi. Oh là là. Tellement pourri. Oh! Deux succès, dont un déclencheur. Pas mal. Toi, tu passeras ton après-midi à te balader dans les paires terre putain et peut-être un peu au niveau de Port-la-Gagne à demander si quelqu'un connaît une Lila, la diseuse de bonne aventure. Et tout le monde semblera presque se moquer de toi lorsque tu leur annonceras ce terme, puisque personne n'a entendu parler d'une certaine Lila ou quoi que ce soit. Au mieux, tu entends quelques récits de Corneille qui lisent l'avenir dans les tarots apocalyptiques. Mais, à part ça, une espèce de Madame Irma qui lirait dans les ossements les lignes de la main ou autre, absolument pas. Ok, donc en gros, elle s'est foutue de ma gueule. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu fais qui d'autre voulait faire quelque chose ? Moi, j'en voudrais faire quelque chose. Ouais. Dis-moi ce que tu vas faire. Eh bien, alors il est à peu près quelle heure là environ milieu d'après-midi. Ok. En tout cas, tu vas agir. Là, je vais regagner la sacristie rouge. Ok. En fait, j'aimerais trouver Lito. D'accord. Je vais regagner la sacristie rouge et s'il est pas là, entre dans la aller voir ce bâtiment. Lorsque tu t'y rends, il y est. Eh bien, Lito. Oui. Je souhaiterais vous parler. Bien sûr, allez-y. Vous avez donc trouvé un logement. Vous avez donc trouvé un logement. Et auprès de qui donc avez-vous trouvé ce logement ? Pourquoi toutes ces questions ? Parce que j'ai filé certaines personnes, et j'ai eu la surprise de vous voir avec certaines personnes rentrer dans un bâtiment. Je vois. Oh, et... ne vous faites pas, mais... En effet, j'habite désormais... Je suis désormais voisin avec les poissonnières... avec qui nous avons discuté la dernière fois. En retournant les voir, je leur ai posé quelques questions et je leur ai parlé de mon désir de trouver un endroit où me loger. Justement, il y avait un logement juste à côté du leur. Qu'est-ce que vous savez sur elles? Rien d'autre à part qu'elles sont a priori nées dans les parages. Elles ont l'air d'en avoir connu pas mal et de savoir pas mal sur l'histoire de la ville. Alors, si l'une d'entre elles est la femme que vous recherchez, c'est que les deux autres la couvrent. Mais je n'y crois peu, personnellement. C'est ma seule piste, pour le moment. Vous pensez que... Enfin, du coup, donc là, vous logez, enfin, elle vous loue cette endroit, c'est ça? Non, ce n'est pas auprès d'elle directement. Non, ouais. J'ai loué mon appartement auprès d'un néolibien... Et vous savez pour la gagne. Est-ce que vous savez si par exemple c'est le même bailleur que pour leur appartement elle? Oui, je crois. Même si elles de leur côté ont acheté. Alors je ne sais pas quand, mais c'est fort possible qu'il leur appartenait aussi à une époque. Et du coup sur ces appartements, au niveau des dates. Qu'en est-il de la sécurité? Je veux dire, en termes de serrure, ce genre de choses, c'est... Eh bien, tout à l'aise. Aux normes, en tout cas, bien plus sécuritaire que certains endroits où j'ai pu dormir durant ma jeunesse. Nous pouvions presque entendre les jets à méthane ronfler depuis nos tentes. Alors ne vous en faites pas pour moi. Non, c'est pas pour vous que je m'en veux, enfin, que je m'en fais, c'est pour savoir si je peux pouvoir... m'introduire chez elle facilement, c'est tout. Oh. Ce devrait être faisable. Sans laisser de traces. Plus compliqué, mais peut-être qu'en vous entourant de certains apocalyptiques, si jamais vous avez des contacts, je sais que ce sont le genre de choses qu'ils savent faire. Bonne idée. Eh bien, je ne vous dérange pas plus. Très bien. Merci pour... Je vais donc passer cette fois-ci sur Flux. Tu vas me dire ce que tu fais. Ok, alors en fait, moi je me séparais du groupe un peu plus tôt. Enfin, je sais pas en fait à quel moment on s'est séparé, mais moi je me séparais assez rapidement. Enfin, sauf si on va sur la même direction, mais tu as compris l'idée. Et je vais aller au marché. Alors je vais aller d'abord au marché. Alors attends, je sais que je vais aller à Port-Lagagne et à... Et à Terre Putain, donc en gros je fais le tour en fait pour... Ok. Normal, donc je vais passer aux deux marchés et en fait, au Terre Putain, je vais acheter 5 viandes du marché. D'accord. Et quand je serai pour la gagne, j'achèterai un poisson frais. Ok, très bien. Et avec tout ça, du coup, j'ai dépensé les 50 dinars qu'on vient de recevoir de notre ami. Et avec tout ça, je vais aller tout simplement me rendre. Je vais aller me rendre à Saint-Chenil et je vais aller faire don en fait de tout ça auprès de mon ami, dont j'ai oublié de noter le nom. Tu donnes ça à Donaï. À Donaï. Je te remercie. Et je vais pas décrire la scène en entière. Simplement, tu le verras, rajouter les morceaux que tu as achetés à l'intérieur d'une espèce de grande bouillard. Marmite. Pardon, qu'il a installé au milieu de la chapelle. Tu remarques par contre, autant lui a l'air pas spécialement. Enfin. Il est reconnaissant, mais pas plus que ça, tu vois, il a un air un peu dépité. Autant tu réalises que le regard des gens tout autour semble lui étonnamment changé. La plupart d'entre eux n'ont sans doute pas mangé de viande depuis énormément de temps, et même si ça ne sera pas énorme par rapport à leur nombre, ils auront sans doute une très maigre proportion, c'est pour ça qu'il a tout mélangé. Tu sens que les gens te regardent avec un air que tu connais bien, l'air des gens qui s'intéressent, qui commencent à s'intéresser aux chroniqueurs. Et qui commencent à les voir comme des bienfaiseurs venus à leur secours. C'est donc assez satisfait que tu sors sans doute de cet endroit, même si tu te doutes qu'il en faudra bien plus pour sauver, et en tout cas, changer le regard d'Adonai sur... Mokosh, de ton côté, qu'est-ce que tu feras ? Eh bien, moi, je pense que je suis retourné à la sacristie comme Jacquard, mais qu'une fois arrivé, je me suis séparé de lui et je l'ai laissé discuter avec Lito. Et je pense que j'ai directement été voir le reste de l'équipe, donc Xenobaptiste, avec... j'ai bien. Encore du mal à me souvenir de leur nom. Mais qui sont donc Dali, je et crois. Et Dali, ouais, c'est ça. Gérard et Dali. Et... surtout à Dali, mais aussi à Gérard, j'aurais simplement demandé quel équipement il vous faut pour rénover cet endroit. Parce que je sais que Lito a déjà brûlé une bonne partie de ce que vous avez. Il va falloir qu'on se remette sur pied. Eh bien, si on en croit le ferrailleur qui est passé ce matin et que vous avez malheureusement raté de peu, il faudrait faire venir quelques échafaudages et pas mal de referrailles pour redresser la structure et la maintenir le mieux possible. Mm-hmm. Je n'ai pas compris tous les détails, t'explique Gérard, mais ils ont dit qu'ils repasseraient dès demain, ainsi que les jours qui viendront, si jamais ça vous intéresse. On a une idée du prix. Contrairement sans doute en plusieurs milliers de dinars, peut-être... Je crois qu'il était question de quelque chose comme 2500 dans un premier temps et peut-être 2500 un peu plus tard. On a pas ça, bien entendu. Non, malheureusement. Mais je sais que quelques bonnes opérations ici et là permettraient peut-être de gagner assez rapidement de fortes sommes d'argent. Mmh. En effet. Notamment si jamais vous êtes capable de fournir les ferrailleurs. S'ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils n'ont pas besoin de beaucoup non plus. Et j'ai appris qu'ils avaient récemment eu de gros soucis avec le module. Ce qui leur a donné d'ailleurs pas mal de retard ce matin. Vous auriez dû les croiser en temps normal. Sans doute que quelques bons artefacts pourraient compter énormément à leurs yeux. D'accord. Et en termes... Si cela ne vous dérange pas, j'ai affaire en ville. Je vais devoir vous laisser le reste de l'après-midi. Dali surveillera à l'endroit. Pas de problème. À ce moment-là, il prépare ses affaires. Et... Mmh. Un peu plus tard, vous vous retrouvez, j'imagine, donc quelques bonnes heures... À l'intérieur de la sacristie. De ton côté, Torik, tu avais demandé à retrouver Joachim, ce qui a été fait sans trop de problèmes pour lui demander s'il avait entendu parler de cette fameuse Isus de Bonne Aventure. Et lui également te dira que même s'il connaît beaucoup de monde en ville, alors son nom à elle lui est complètement inconnu. C'est avec donc un certain regard sur la petite que tu rentrera à l'intérieur de la sacristie tandis qu'elle sera posée près du feu à discuter avec Lito. Mmh. Elle semble poser pas mal de questions sur la religion anabaptiste et le culte qui l'entoure. Et pas mal sur les guerres adriatiques également. Elles se sont finies il y a encore très peu de temps, pour rappel, puisque les Djamétan et les anabaptistes ont fait la paix il y a même pas 10 ans, il me semble. Mmh. C'est pour ça que d'ailleurs la plupart de vos relations avec les anabaptistes sont assez, disons, spéciales. Ouais. Bah, du coup, je suis un peu mauvaise. J'ai un peu mauvaise pour la petite. Que elle s'est foutue de moi, clairement. Hein, donc, si j'ai le temps, bah, j'essaierai d'aller lui parler. Bon, là, je vais pas aller la couper hein, comme un sauvage en train de discuter avec Vito. Mais dès que, il y aura un moment où elle est plus disponible, bah, du coup, j'irai lui parler en disant de me dire tout simplement la vérité. Et voilà, clairement, bah, personne ne la connaît alors qu'elle m'a assuré que tout le monde la connaissait en ville. Ok. Que faites-vous, autres? Eh ben normalement, enfin, moi rien de spécial, on se réunit pour programmer à part si quelqu'un d'autre a quelque chose à faire. Je suppose que c'est ça, là, on vient de faire la petite heure qu'on s'était laissée. Ouais, plus qu'une heure. Putain, vu que vous avez dû traverser certains quartiers, considère que ça vous a occupé une certaine partie de l'après-midi et que là on est en début de soirée. Étant donné qu'on est en hiver, la nuit tombe assez tôt. Ouais, parce que du coup je viens vers toi et Flux du coup et donc si j'ai bien compris faut qu'on fasse ça ce soir. Oui, Donc cette nuit, oui. C'est pour ça qu'il va falloir qu'on s'organise très rapidement et qu'on trouve un plan d'attaque. Parce que, bah, en fait, je t'avoue qu'au tout début, quand il a parlé de la mission, je m'étais dit qu'on aurait pu faire une nuit de veille, hein. Support, simplement, bah, voilà, une veille informative, regarder un peu comment se comportent les gardes, etc. Enfin voilà, et juger le terrain. Sauf que, bah, comme ça part demain matin, bah, la nuit de veille, elle part un peu en fumée. Donc il va falloir agir assez rapidement. Sinon, on sait en tout cas qu'apparemment, il suffit de les distraire, hein. Et d'ailleurs, j'ai une question, mais qui là est pour le MJ. Si mes souvenirs sont bons, normalement, je devrais recevoir mon apprenti en début de semaine, c'était bien ça? Je ne sais plus. Je sais plus s'il avait dit genre dès demain ou début de semaine quand je l'avais quitté. Sans doute visiblement qui sont passés pendant votre absence. Malheureusement, du coup, comme te l'a expliqué, enfin comme te l'expliquera Gérard si tu lui demandes ou si jamais tu demandes à Mokoche de te répéter l'information. En ce moment, ils ont des gros soucis avec le module et vu que, pour rappel, les problèmes là-bas leur sont facturés par les Néolibiens, ça leur a donné un peu de retard. Ok. C'est-à-dire que je peux pas aller. Ça aurait été pratique d'avoir seulement une paire de mains en plus. Bref, du coup. Voilà, c'est bien ça. Il y a cette nuit. Il vous a donné le nombre de fléaux qu'il y aurait au niveau Non. de l'hangar? C'est ça que. Il va falloir qu'on aille tâter le terrain avant de faire l'opération. Mais de ce qu'il a dit, c'était pas un entrepôt très gardé pour autant, donc on ne devrait pas non plus tomber sur quelque chose d'insurmontable. Ça serait Après, nous. bon, tâter le terrain, quand même. Il y a tâter le terrain et tâter le terrain. Soit, enfin, pour moi, tâter le terrain, ça veut dire tester. Là, je pense qu'on veut juste observer. On n'a pas envie, comment dire, de les mettre sur la garde pour une deuxième visite, c'est ce que je veux dire. Faut toujours rester dans cette optique de pas se faire prendre. On peut agir, vous savez, avec subtilité. Lorsqu'on peut tâter le terrain, on n'est pas obligé de faire un premier coup reniant. C'était plus dans le sens d'aller voir comment ça se déroule, à quoi ressemble l'environnement. Pour l'instant, on n'a aucune information, c'est juste un entrepôt. Donc, ça serait bien, en tout cas, de savoir en tout cas, à quoi ressemble l'entrepôt, où est-ce qu'il est situé exactement, où se trouve la porte qu'on doit prendre à l'arrière, etc., etc., quoi. Faire un peu de vérification avant de plonger à corps dedans. Et donc, il y aurait des hyènes, c'est ça? Oui. Ah Il a non. parlé de feu. Mais honnêtement, on peut se renseigner. Clairement, la ville est assez grande. On peut poser Ce des serait questions une dans des quartiers assez mauvaise. loin. J'ai eu une idée qui est venue, mais non, ce serait une mauvaise idée, je pense. Par rapport à hyènes. Dressage. La troupe de Corneille. Je pense pas que nos connaissances aient des pouvoirs magiques de contrôle des hyènes et que justement c'est parce que c'était sa hyène qu'il n'y avait aucun problème. Tu pourrais pas foutre Doric, toi qui s'y connais tant dans toutes ces choses qui peuvent nous guérir comme nous tuer, tu pourrais pas imbiber la viande et les buter? Oh, l'idéal ce serait pas forcément de les tuer car ça serait pas intéressant, mais au moins les endormir peut-être. Le principe d'être endormi, c'est de pouvoir se réveiller à la fin, c'est ça qui me fait peur. Ouais, enfin, des hyènes vont pas parler. Des hyènes endormies vont juste être endormies. Elles vont pas parler, mais si elles se réveillent en plein milieu du truc, là on est bien à la merde. Moi, d'après ce que j'ai compris, c'était pas des hyènes en pleine liberté. Hein. C'est des hyènes qui sont avec des gardes. Oui, c'est ce qu'on avait bien dit. Mais du coup, si tu les endors, les gardes vont comprendre qu'il y a un truc qui va pas dès le départ, en fait. Voilà, c'est ça. Donc elles sont avec les gardes. Ils se baladent avec eux. C'est à mon avis, c'est des hyènes qui sont dressés. Ils sont avec eux. Faut voir. En général, un chien de garde. Il peut y avoir des gens qui patrouillent avec les hyènes en laisse, mais je pense que c'est plus les hyènes en niche et qui peuvent à la fois aller voir. Ouais. Bon, bah allons-y, allons voir déjà. C'est le premier point de plan. On va voir à quoi ça ressemble physiquement. Ouais, faudrait qu'on trouve un endroit assez en hauteur pour pouvoir examiner tout ça. Là, il est quelle heure, monsieur le MJ? C'est en début de soirée. La nuit commence à tomber. Ok, d'accord. Eh bien, allons voir. Oui, allons voir. On pourra revenir plus tard après pour agir. Très bien. Oui, on va observer à quoi ressemble l'entrepôt. Est-ce qu'il est ouvert? Sachant que si on arrive à y être assez rapidement, peut-être qu'il sera pas directement totalement fermé. Non, bref, on va voir. Là, on marche. À vous de me dire. Bah, on y va ? Non ? Je crois que vous n'avez pas entendu, peut-être. Du coup, j'imagine que cette fois-ci, vous y allez sans la petite. Ah, non, la petite, elle reste. Elle vient pas avec nous, quoi. Ouais, parfait. Faut bien qu'elle apprenne. Le long des différents quartiers de la ville, vous passez des ports, les terres putains qui, en effet, semblent être de moins en moins fréquentables au fur et à mesure que la nuit se lève. Enfin, se lève, que la nuit tombe. Pour finir par Cours Argent. En vous dirigeant au niveau donc des entrepôts, vous distinguez déjà au loin, en effet, plusieurs groupes de fléaux qui semblent garder l'entrée principale. Et de l'autre côté, vous pouvez entendre de temps en autre quelques gémissements de hyènes, une espèce de rire un peu étrange, très désagréable. Qui parfois surviennent ici et là, qui sont généralement coupés par des grands coups de voix, très coups de voix autoritaires. Vous voyez donc les entrepôts posés les uns sur les autres au niveau des quais, avec peints sur les grandes façades de gigantesques lettres en blanc. De l'autre côté, vous avez donc la mer qui se pose au niveau de la jetée et ces espèces donc de grands murs qui vous séparent de l'intérieur de ces zones. D'ailleurs, il est noté de constater que les entrepôts sont parfois à l'intérieur même de leur groupe de murs coupés par d'autres murs. Je ne sais pas si c'est très clair, mais ce que je veux dire, c'est que on n'a pas un grand mur qui entoure tous les entrepôts, mais plusieurs groupes de murs qui entourent chacun quelques groupes d'entrepôts. Par contre, aucun mur au niveau de l'acheter. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez... techniquement, si quelqu'un sortait de l'eau, il pourrait accéder directement aux entrepôts. Après, c'est assez élevé, donc il faudrait être très bon grimpeur. Je vous laisse me faire quand même des petits tests de perception. Histoire de voir si vous voyez d'autres choses, là je vous ai donné un petit peu la base du truc, après peut-être est-ce que vous allez voir d'autres détails plus intéressants. Donc c'est un instinct perception, ça. Ouais. Et tout le monde te le fait. Hein. Ouais. Deux succès, donc deux déclencheurs. Ok. 5 réussites, dont 2 déclencheurs. Ok. On a Flux qui dépense un point d'ego. Ah, oups, mon micro a été coupé. 4 réussites, dont 2 déclencheurs. Très bien, vous remarquez plusieurs choses à tour de rôle. De ton côté, Flux, tu remarqueras au niveau de certains murs certaines imperfections, en tout cas au niveau de l'un d'entre eux, assez précis, qui pourraient être potentiellement escaladables par quelqu'un d'assez agile. Pas évident non plus parce que le mur est assez haut, mais ça pourrait se faire. Le mur malheureusement n'est pas au niveau de celui qui vous intéresse, vous avez assez rapidement retrouvé l'entrepôt que vous vouliez, mais il serait possible de sauter de l'un à l'autre, potentiellement. De ton côté, Torik, tu remarqueras pas grand chose de très intéressant. Par contre, pour contrebalancer, Jacquard, lui, trouvera ce qui semble être le dépôt des hyènes, si je puis dire ça comme ça. La niche. Pardon ? La niche. C'est pas vraiment une niche, parce qu'une niche, ce serait vraiment une espèce de cabane pour hyènes, mais c'est vraiment une espèce de zone où on semble les entreposer, elles-mêmes gardées par plusieurs fléaux. Que vous connaissez à leur tenue très guerrier, ce mélange un petit peu entre guerrier tribal et militaire, puisqu'ils possèdent par exemple des casques ou des plastrons barbales. Et en effet, bon, il y a sans doute une réserve de nourriture à l'intérieur, peut-être qu'il y a quelque chose à y faire, tu sais pas trop. En tout cas, c'est une espèce de grand bâtiment en bois qui a été construit aux abords du. De ton côté, Mokosh, toi tu remarques quelque chose de plutôt intéressant, c'est que de l'autre côté, alors que vous faites quelques allers-retours assez discrètement parmi la foule des gens qui se dirigent au niveau de l'orage, soit au niveau des scribes ou autres, plusieurs néo-libyens. T'as fait 5 réussites, donc plusieurs déclencheurs, combien de déclencheurs ? 2. 2 déclencheurs, ok. En train de discuter d'un acheminement de caisses qui devrait rejoindre l'entrepôt numéro H d'ici ce soir. Et les caisses en question se trouveraient, elles, actuellement encore au niveau de la rue des prêteurs. Et justement, ils s'en plaignent, elles devaient être transportées déjà dès ce matin. Pour pouvoir ouvrir les portes à ce moment-là. Ok. Je vais mettre au courant mes compagnons, bien entendu, de tout ce que j'ai. Oui, pareil. De toute façon, je pense que tout ce qu'on a découvert, on se l'est échangé. Oui. Du coup, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous avez un plan ? Ou est-ce que vous décidez d'abandonner ? Il y a beaucoup d'informations, mais en tout cas, il faut qu'on se décide rapidement. Parce qu'on a l'histoire de caisse là, mais ça va pas durer éternellement. Comment on peut agir ? On a trouvé l'entrepôt du coup des hyènes. On sait qu'on peut passer de là avec des irrégularités et on sait qu'il y a des caisses. Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces infos ? Et il faut établir un plan. Oui. Merci. C'est pas bête. Je pense que Jacquard, tu tiens quelque chose. Ok, donc faut qu'on fasse un plan pour établir le plan avant tout. Là, j'avoue que c'est une grande possibilité qui s'appelle. Les caisses sont dans une rue, c'est ça ? Elles sont pas encore dans un entrepôt. C'est ça. Alors pour l'instant, elles sont entreposées au niveau de la rue des prêteurs et en effet doivent être transportées dans la soirée. Donc elles sont pas encore dans un entrepôt, elles sont à même la rue. Moi, c'est pas nos caisses, parce que si j'ai bien entendu, ils vont à l'entrepôt H et le nôtre c'est l'entrepôt F. C'est ça. C'est bien ça. C'est ça. Oui. Donc c'est pas nos caisses. Mais par contre, il y a peut-être un truc à faire. On peut peut-être les voler, se faire passer pour eux. Enfin, je sais pas, il y a peut-être un truc à faire. C'est pas nos caisses. Non, c'est pas nos caisses. Ce soir, vont à l'entrepôt H. Les nôtres sont dans l'entrepôt F. Oui, non, c'est pas. Pour des caisses, entre guillemets, comme ça, laisser. Enfin, pas sans surveillance, mais je veux dire. C'est clairement pas l'huile de Marduk dedans, soit des caisses contenant des vêtements, des choses comme ça. D'accord. tu pourrais faire des ferrailles, tu dois t'apporter ici là. C'est quoi déjà notre échéance pour les voler ces caisses? Ah si maintenant, c'est ce soir. Demain matin. Ouais. Bah moi ce que je vois... ce que je ne vois pas, étant donné que c'est complètement illégal et que je ne recommande pas que je fasse, ce serait de faire un incendie quelque part un peu à côté, mais je ne le recommande pas, et comme ça, ça m'éloignerait les gens. Ça tuerait plein de gens, mais ça éloignerait les gardes sans doute, et puis on pourrait chourer les caisses en douce. Mais je on est d'accord que... Voilà, parce que si c'est légal, donc si ça arrive, ça sera pas de notre fait. Par contre, si jamais, voilà, il faut quand même qu'on sache, cher MJ, bien qu'on veut pas le faire parce que c'est illégal, l'entrepôt H par rapport à l'entrepôt F, il est où, je suppose, pas loin vu les lettres, mais en vrai, est-ce qu'il est genre, est-ce que c'est l'entrepôt d'en face, à côté, est-ce que... Voilà. Bah du coup, en effet, il y a un entrepôt d'écart entre les deux. Mais il est sur le côté. À droite, à gauche, enfin... Vraiment comme des grands hangars les uns à côté des autres. Et pour le coup, se trouve à l'intérieur de la même enceinte de murs. Ok, ça va. Pour que s'il y a un incendie, chose qu'on ferait pas, parce que c'est illégal, Jacquard a tout à fait raison, ça puisse déconcentrer totalement les hyènes et mettre en panique les gardes. Ça m'étonnerait que s'il y a un feu deux, ils vont pas faire mort, c'est joli. C'est vrai, j'ai complètement oublié, mais en soi, bon, ça serait difficile. Parce que je me disais, quand même, ça allait être un peu chaud de mettre en danger la vie de certaines personnes innocentes, mais vu qu'on ne va pas le faire de toute façon, je me disais, on peut carrément foutre le feu à un autre entrepôt. Oui, enfin, il me semble qu'ici... Si je ne me trompe pas, ici, il y a une histoire de... que les murs sont en pierre, c'est ça? Non? Oui. Ou c'est l'inverse? Alors, les entrepôts sont en ferraille. C'est une espèce de grosse... peut-être de la tôle, si vous ne savez pas trop. Oui. Les murs d'enceinte sont en pierre. C'est de la pierre? Ou genre, c'est de la brique avec du ciment Vous avez d'autres bâtiments en briques en ville, mais pas ceux-là. Okay. Après, mes connaissances... Des hyènes qui est en bois, si jamais. Ça ressemble à une espèce sur plusieurs étages. Bah, et les caisses qui sont entreposées, c'est des caisses en quoi? En fer? En métal? Je pense que c'est plutôt en bois, je dirais, non? Ça, c'est pas... On sait jamais. Est-ce que tu te rappelles d'avoir vu la dernière fois lorsque vous avez traversé la ville? Les caisses qui étaient sorties des bateaux, donc des grands cargos, étaient en bois. Effectivement, donc ça crame. Et le métal peut fondre, ça c'est mes connaissances en cramage, chose que je n'ai jamais fait bien entendu, parce qu'on reste légaux. Mais le métal fond sous la chaleur, donc même si ça ne prend pas feu directement, ça peut quand même faire des répercussions. Hein. Oui, clairement, si un incendie est clairement beau, ça va... Enfin, à fond, mais enfin, quand même un sacré feu. Hein. Mais oui, ce que j'aimerais voir, ce que j'aimerais voir de mon côté, c'est est-ce qu'il n'y a pas moyen peut-être de faire en sorte que les hyènes pètent un câble, genre essayer de les exciter ou que les gars perdent le contrôle en gros et qu'elles partent aller faire autre chose et que du coup ça les oblige un peu à partir en courant derrière J'allais dire un truc mais je pense que ça peut être un peu compliqué, très compliqué genre trouver un muscle du muscle si c'est des femelles ou des mâles, tu sais, c'est un peu de leur faire péter un boulard, quoi. Ça m'a l'air aussi compliqué que de trouver un truc et de réussir à faire un ultrason pour les énerver beaucoup. Oh, vous savez, si elles brûlent, elles sont paniquées. Hein. Oui. Ouais, c'est vrai aussi. Ouais, mais après, il faudrait pas que l'incendie... nous empêche de pouvoir à accéder à l'entrepôt aussi. Si on foutait le feu à la cabane, est-ce que... Est-ce que on tue pas les hyènes. On tue pas les hyènes. Non, mais comme vous voulez, hein, mais là, je pensais que ça parlait de faire ça, justement. Donc, là, on était plutôt oui, mais de brûler les caisses, qu'on peut être d'accord au début. Oui, voilà, que brûler les caisses, à la limite, c'est que du matériel, mais brûler des hyènes, c'est quand même un peu horrible, quoi. Mais c'est des animaux. Oui. Personnellement, j'ai aucun OSEF total. Mais ce sont des animaux. Est-ce qu'on a su du coup combien il y avait d'hyènes et combien il y avait de fléaux avec elle? Le nom, non. Par contre, malheureusement, vous pouvez pas voir au-delà des murs. De temps en temps, vous entendez des cris ou quelques ordres donnés. Peut-être que si vous vous rapprochez beaucoup, également quelques bruits de pas. Il semble pas être des centaines. Il y en a peut-être entre 5 et 10 tous les tous les entrepôts, quelque chose comme ça. Bon, très clairement, pour le moment, je pense que le plan qu'on peut établir, foutre le feu aux caisses, escalader les murs, rush l'entrepôt F, se barrer. On n'a même pas besoin d'escalader les murs, hein, puisqu'on a la clé qui nous a été donnée par Hilar de la porte de derrière. Alors, vous avez la clé de l'entrepôt, mais pas la clé de l'enceinte des murs en même. Ou alors, et là du coup, il n'y aurait pas de victime en quoi que ce soit, faire une détonation quelque part. Un truc puissant, mais genre juste ça ferait boum. Et pas forcément que ça explose quelque chose, mais que ça fasse un bruit, une détonation, et que du coup les gens aillent directement à cet endroit pour voir ce qui s'est passé. Pardon ? Non, mais en fait, il faudrait quelque chose. Je pense que c'est dangereux comme plan, parce qu'il faudrait que la chose soit assez menaçante pour qu'on ait champ libre pour passer. Or, une détonation. Je pense pas que t'envoies tout le monde, tu vois, dans l'entrepôt. Il y a plein de gens qui vont partir, mais je pense qu'ils vont toujours laisser au moins une personne en surveillance dans l'entrepôt. Ouais, l'incendie, ça fait vite, faut faire une chaîne, genre de truc, enfin... Ouais. L'incendie, c'est un danger imminent, tu vois, ils vont dire, bon, il faut qu'on agisse. Alors qu'une détonation, bon, t'envoies 4 mecs voir ce que c'est, et... C'est pas tellement un danger imminent qu'un danger qui peut n'empirer si tu n'interviens pas, alors qu'une explosion, bon, ça arrive, et après, c'est fini, quoi. Je suis. Ouais, mais alors qu'est-ce que tu veux faire brûler du coup? Les caisses. Les caisses qu'il y a dans la rue, machin là. Les caisses de. Ouais. Les caisses que Mokosh a entendues. On chope les caisses, on fout un départ de feu pas loin de l'entrepôt F. Ça permet de détourner l'attention des gardes et des hyènes, parce qu'en plus le feu doit effrayer les hyènes, si c'est comme les Glendos, en tout cas. Donc du coup ça nous permet de pouvoir rentrer, d'aller choper les caisses, d'être à l'eau et se barrer ni vu ni connu. Ouais, donc tu veux brûler les caisses qu'il y a dans la rue bidule là, que Mokosh a entendu qu'elles étaient stockées là depuis... Oui, on les vole là-bas, on les ramène rapidement vers ici et on trouve un coup stratégique à côté de l'entrepôt F pour les faire paniquer. Oui, mais du coup... Juste, il y a une partie, ça c'est la partie diversion et s'introduire pour les caisses. Maintenant, comme on l'a dit, on n'a pas les clés pour sortir. Donc moi, ce que je pense que ce qu'il nous faut, c'est... alors, on n'a aucune idée de la taille de ces caisses, mais... On n'a pas besoin des clés de sortie. Quoi ? On n'a pas besoin de sortir avec les caisses. C'est-à-dire ? On a juste à les jeter à l'eau. Ah, faut les jeter à l'eau. Et parce qu'en fait, on va les pêcher de l'autre côté de la côte. En fait, on sort de là, enfin pas de la côte, mais on sort de là, on va de l'autre côté, et en fait, on peut les repêcher. C'est volumineux. Ça pèse quoi? D'ailleurs, pour cela, je suis désolé, je l'ai pas précisé, j'ai complètement oublié, mais normalement, je vais le faire. De l'autre côté des entrepôts, Hilar, normalement, est censé vous avoir dit qu'il a mis à disposition des espèces de grandes perches justement pour vous aider à les récupérer une fois qu'elles seront à la flotte. Voilà, j'ai complètement oublié de le dire. Ça pèse combien ces boîtes? On sait Alors ça, pas. vous n'en savez rien, vous savez pas combien pèse Ok. l'une de marbre. Ça se trouve, ça peut Parce être juste que. un cajot, comme ça peut être une caisse de 3 mètres Mais de de. souvenir, les J'avais dit caisses, qu'il y ça avait. flotte quand même. Si t'as déjà dû en voir dans l'eau, ça flotte à moins que ça soit par exemple chargé de métal ou de trucs très lourds, quoi. Et ben. Le fait de jeter à l'eau, c'est lui qui l'a dit. Donc, si c'est quelque chose qui marche pas, c'est uniquement de sa responsabilité. Nous, on aura fait ce qu'il fallait. Bon, après, moi, je peux connaître une technique si pour que les pièces, les enfin, pour que les caisses remontent forcément, enfin qu'elles coulent, si elles coulent et qu'elles remontent Ok. forcément. Mais bon, je sais pas si on a le temps. Bah, dis, on verra. Oh, Tout est bon à prendre. il suffit de charger un sac de sel qu'on accroche à la caisse. Et bah, si jamais la caisse coule, du coup le sel est sous l'eau, le sel se dissout, donc la caisse remonte. Dis Carrière donc, remonte. Jacquard, tu es vachement calé Non, mais c'est les en... pratiques de contrebande habituelles dans les lacs autour de Justicienne. Non, Mais mais. Justicienne, il y a la mer hein, chez nous. Non, les lacs. J'ai bien dit les lacs. Et on a du sel par chez nous. Oh bah bien sûr. Ouais, pour S'il n'y avait conserver pas quand même. de sel, il n'y aurait pas de viande, il n'y aurait pas de poisson, rien du tout. Ce serait bien de la merde. Oui, même pour la conservation des aliments, ça c'est compliqué. Non, Non, c'est pas mais juste. Vous êtes dosé après, si quand on a même le le temps, sel. parce qu'on peut se procurer le sel, mais l'information est intéressante à savoir. Bon, Voilà, après, si je un, pense. même si jamais un jour on fait des marques. Bah, je pense que les caisses vont pas avoir le temps de vraiment rester dans la flotte, puisqu'il faut les récupérer assez rapidement. Donc, t'as pas besoin en soi de les faire couler. Tu les jettes à l'eau et puis tu les récupères dans la foulée, quoi. Donc, t'as pas besoin de les faire couler en soi. Parce que l'idéal, c'est de pas se faire prendre. Donc, du coup, ils vont pas savoir que Oui. les caisses sont parties dans la flotte. Donc, ouais, bah après, il faudrait faire du coup, cramer les caisses dont vous parlez. Maintenant, à savoir, est-ce qu'on va pouvoir transporter ces fameuses caisses qu'on va devoir faire brûler? Si oui, mais Pas les transporter. si on ne peut pas les transporter, est-ce que l'endroit où elle est placée, où elles sont placées dans la rue, est-ce que c'est quand même proche de l'entrepôt F? Oui, est-ce que c'est quoi par la reposition par rapport à l'entreprise? C'est Les laquelle la caisses en mienne? question? Oui. Les caisses qui sont dans la rue là, Alors, les dont caisses ont qui sont parlé dans les la rue, elles gardes. sont loin encore. Elles sont à la rue des Prêteurs, donc c'est vraiment derrière. Il faut marcher 10 minutes pour aller les récupérer. Ouais, donc il faut Allons voir les potentiellement. quais. Franchement, on n'est pas 10 minutes plus, on a toute la nuit pour agir. Allons voir les caisses et on voit si on fait n'importe quoi comme ça ou pas. Vous marchez 10 minutes. Oui. Et vous arrivez au milieu de la rue des Prêteurs, où en effet, en pleine rue, vous voyez un endroit, plusieurs caisses déposées dans une espèce de ruelle, avec juste à côté, en fait, donc cette fois-ci dans la rue, au niveau d'un mur, un scribe en train de débattre avec un autre néo-libyen. Vous les entendez parler, vous comprenez pas ce qu'ils disent, mais ils semblent agiter des carnets, des trucs comme ça, et discuter de manière un peu virulente. Leurs mouvements sont assez agressifs, ils semblent être en opposition, de l'autre côté, sont assis et discutent des ferrailleurs africains qui semblent attendre le feu vert pour transporter les caisses. Elles ont l'air volumineuses, ces caisses. Elles sont assez grandes, oui. Donc, est-ce que nous, potentiellement, on peut les prendre et les porter à chacun? Oui, Ou mais dans c'est ce cas-là, il faudrait que vous compliqué? partiez derrière la rue des Prêteurs et que vous longiez en fait le on va dire le bord des quais pour revenir jusqu'aux entrepôts, parce que si jamais vous la traversez, vous allez passer devant eux et ils vous verront pas. Ouais, mais D'ailleurs, vous pourrez. on peut physiquement les porter Ah en oui, contact. bah Ok. oui, sans doute oui. D'accord. Non, c'était la question. C'est juste savoir si on peut les... En tout cas, vu que tu vois que leur seul, a priori, et les seules personnes qui semblent les transporter sont eux-mêmes des ferrailleurs africains, tu soupçonnes que oui, elles sont pas. En tout cas, elles sont D'accord. portables bah, à main nue, sinon ils auraient utilisé. Soit D'accord. un transport, soit une grue, soit quelque chose, n'importe quoi. Ok. Du coup, on a deux infos, c'est que non seulement on peut les porter, mais en plus ça, on peut le faire sans être repéré par eux. C'est quand même très très pratique par rapport à notre plan. Vous pourrez peut-être pas toutes les prendre parce que certaines sont vraiment à cheval entre la rue et la fameuse ruelle dans laquelle elles ont été posées. Vous soupçonnez non qu'ils les ont posées là pour dégager le passage. Mais en fait, simplement, si vous contournez dans la ruelle et que vous les récupérez par derrière, vous pouvez en prendre quelques-unes sans doute se trouver. Parce que après, oui, on peut après, carrément ne pas se faire chier du tout. Aller voir Hilar. Il a des entrepôts lui aussi, j'imagine. Et lui dire, file-nous 5 caisses vides, on va mettre de la merde dedans qui crame bien. Et on les prend, comme ça, on n'a même pas besoin d'aller se faire chier à aller faire du fufu pour des caisses qui vont juste brûler, quoi. On doit les prendre maintenant, on s'en fout. C'est... On brûle les caisses et puis voilà. Oui, non, mais je veux dire, des caisses, on peut en avoir sans avoir à s'emmerder avec Hilar qui va nous donner des caisses. Et... Il faut aller voir Hilar qui a court argent. Une fois à court argent, il faut qu'on voit Hilar qui valide ça, qui fasse une commande de caisses parce que je suppose qu'il a pas dans son entrepôt des caisses vides, ça aurait pas beaucoup d'intérêt pour lui. Si, ça paraît logique. Je sais pas, faut voir. Mais en tout cas, ouais, faut aller à l'entrepôt, prendre les caisses, les faire passer par-dessus le mur, en sachant qu'elles sont pleines, et ensuite les cramer. Ah oui, du coup, c'est les caisses où elles sont, elles sont dans le même dans le même espace en fait de mur en fait. Elles sont dans le même enclos. Enfin, je sais pas comment on appelle ça, mais le même. La même cour. Ouais, voilà, et c'est la même enceinte. C'est dans la même enceinte les caisses dans la rue Bidule là. Celles que vous voulez cramer sont dans la même enceinte que l'entrepôt H. F. Que l'entrepôt F. Mais du coup pas dans le même entrepôt. Celles que vous voulez sont dans l'entrepôt du coup à côté. Il y a un entrepôt entre les deux. Oui, mais il y a pas un mur qui sépare les deux quoi. Ah non, par contre elles sont dans la même enceinte de mur en effet. Voilà. Bon j'ai rien dit. Une lettre relativement proche. Voilà, on va trouver un truc pour les cramer, on les crame et on y va. Il doit y avoir un mur tous les 6-7 entrepôts environ. Puisqu'en fait, en gros, je vais pas tout expliquer, mais dans le détail, mais en gros, les entrepôts appartiennent eux-mêmes à des néolibiens différents, ils sont juste posés à côté. Et lorsqu'on t'entrepose là-dedans, il y a une partie de ce que tu payes pour entreposer qui revient au néolibien qui possède les entrepôts et qui lui-même va payer les fléaux. Enfin, c'est compliqué, c'est centralisé, tout fonctionne sous le même toit, mais t'as des parts privées à l'intérieur qui régulent la possession des 10 entrepôts. Ce que je proposerais, c'est que, quand on va se décider pour aller les récupérer, que, à la limite, tu vois, j'aille directement au contact du scribe et de gars qui s'engueulent pour discuter avec eux et faire un peu diversion. Genre, j'ai cru comprendre qu'il y avait des ouvriers qui étaient. On m'a dit qu'il y avait des ouvriers qui étaient blessés. Donc, je suis venu pour voir si. Qui sont déjà très diversifiés par eux-mêmes qui s'engueulent, j'ai l'impression. Ouais. De quoi ? Ils ont l'air d'être eux-mêmes pas très attentifs, tu vois, vu qu'ils sont en train de discuter. Ouais, ou alors j'irai parler avec les ouvriers, parce que les ouvriers sont à côté en train d'attendre, qui sont à côté des caisses pour essayer de pas qu'ils nous grillent, quoi. Après, j'ai pas envie que. Enfin, vu que récemment on a entendu en ville qu'il y a un juge hospitalier. Une anabaptiste et surtout un chroniqueur qui arrive en ville et qui est le bruit qui court qu'il y a eu un incendie et qu'il y avait un hospitalier qui était à côté qui arrivait comme par hasard juste pendant l'incendie. Ouais. Après des hospitaliers il y en a à Toulon hein. Enfin, c'est pas quelque chose de rare à Toulon hein. Je pense qu'on devrait tous plutôt que le feu va faire diversion, on prend tous les caisses, on les balance tous à l'eau. Et on essaye tout de le récupérer. À la limite, ce que j'ai proposé, c'est qu'il y en aurait un qui aurait pu, je sais pas, se mettre un peu plus loin sur la rive et genre essayer de récupérer les caisses, mais je pense qu'on aura le... Voilà. Donc, d'accord, je vous suis. J'écoute votre... comment vous voulez qu'on fasse. On va faire autant. La question, c'est trouver quelque chose qui crame pour cramer. Tu comprends rien à notre plan. Alors, on va Mokosh, nous allons essayer de nous faire tout discret pour aller choper les caisses dont tu as entendu parler. Vous voulez récupérer les caisses à côté des gars qui se disputent et les gars qui attendent de pouvoir transporter les caisses à côté. C'est ce que disait le MJ. En fait, on peut faire le tour et en fait, dans l'arrière ruelle, on peut accéder à quelques caisses sans se faire voir. Ils ont été obligés de les empiler dans la ruelle pour pas bloquer le passage dans la rue des prêteurs. S'ils les avaient mis en plein milieu de la rue. Genre, il y a une vingtaine de caisses, quoi. Il y en a pas oui, genre 4. Oui, ça, il y en a sacré. Eux-mêmes, ils ne pourront pas toutes les transporter en un seul aller-retour. Attendez, moi-même, j'y comprends plus rien. Vous m'avez perdu. Le plan, c'est il y a un entrepôt, il y a une enceinte avec des entrepôts. Dans un des entrepôts, il y a les caisses qu'on veut. C'est pas dans un entrepôt. Les caisses qu'on veut prendre là tout de suite maintenant, elles sont dans une rue. Mais non, c'est celle qu'on veut foutre le feu. Oui, voilà, oui, et celles qu'on veut prendre, elles sont dans une rue. Il faut qu'on les prenne et qu'on les déplace, c'est tout. Elles sont pas dans un entrepôt. Mais tu as raison. Les caisses qu'on veut voler, elles sont dans un entrepôt. Ça, oui, t'as raison, t'inquiète. Oui, les caisses, d'accord. Attends, donc, mais donc, c'est d'accord, tout. J'ai bien... Mais oui, mais tu dis. Okay. Je résume pour Kevin. Il y a une enceinte. Il y a des entrepôts. Il y a les caisses qu'on veut jeter à l'eau dedans, dans les entrepôts. Il y a des caisses dans la cour de cette enceinte. On y fout feu. Les gardes se rappliquent avec les chiens. On prend les caisses dans les entrepôts pendant ce temps-là. On les balance. On les récupère plus loin et on se tire. Mm-hmm. Je pense que c'est bien clair pour tout le monde. Mais, sauf que les caisses à laquelle on veut mettre le feu, nous devons les déplacer. On ne peut pas les faire brûler sur place. Pourquoi ? Parce qu'elles sont trop loin. Elles sont trop loin de l'entrepôt, en fait. Vous êtes dans la rue des prêteurs sur la carte, vous pouvez la voir. Elle est en effet à 10 minutes à pied des entrepôts. Voilà. Donc, on ne peut pas. Il faut déplacer les caisses à un endroit pour qu'elles soient plus proches de l'entrepôt qu'on veut. Donc, il faut qu'on les déplace physiquement. Mais c'est ce qu'on dit depuis le début, c'est aller chercher ces caisses-là, les ramener près de pour foutre le feu. Ouais, tu vois, mais même ça, Jacquard n'avait pas compris. Bon, ok, on fait ça, d'accord. Mais non, mais moi, j'avais compris que c'était une petite... que les caisses, elles n'étaient pas très loin. Mais donc, ok, on fait ça. Non, il faut marcher. Il faut marcher 10 minutes. C'est à 10 minutes à pied de là où on veut. Voilà. Et donc, oui, Mokosh, il y en a tellement des caisses dans cette rue que les gars n'ont pas la visibilité sur toutes les caisses qu'il y a dans la rue, en fait. Ils sont au début de la rue. Nous, on va aller à la fin de la rue et on va les choper par l'arrière, en fait. Mais oui, mais en fait, pourquoi vous voulez que... Là, Mokosh, pourquoi vous voulez bouger les caisses? Vous avez peur qu'ils ne voient pas l'incendie? Mais c'est à 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes à pied, c'est... Et puis même, il y aura plein de gens avant qui vont intervenir, avant que les fléaux interviennent. Si le feu est juste à côté de l'entrepôt, si le feu arrive juste à côté de leur entrepôt, c'est les premiers à intervenir, ça va être les fléaux. C'est pas les lambdas, les ouvriers, et les scribes et tout ça. Donc c'est pas eux qui doivent intervenir, c'est les fléaux directs. Ok. Voilà. Donc, tu vois, ça a été bien de discuter pour qu'on soit tous d'accord. Parce que là, on était pas tous sur la même longueur d'onde. Il n'y a pas de souci. Du coup, vous commencez par voler les caisses ? Ouais. Ok, qui est-ce qui les vole ? Oui. Alors, moi, je suis très nul pour voler. Non, mais en soi, vu qu'on est en discrétion dans l'arrière-salle, dans l'arrière-cour, pardon, enfin bref, on fait le tour de pour pas être visible dans la rue principale. Voilà, dans la ruelle, du coup, je pense qu'on peut chacun prendre une discrètement. Et à part si vous préférez qu'il y en a un qui le fasse le plus discret d'entre nous et qui ramène les caisses aux autres, mais c'est peut-être. Est-ce qu'il y a une difficulté particulière à les prendre ou pas ? Ou il n'y a pas de jet ou il y a un jet ? Je vais faire les jets de mon côté pour l'instant. Je ne vais pas vous dire. Non, elles sont assez grandes. Sans doute qu'il faudra quand même vous y mettre à deux pour les transporter, pour en transporter une. Mais à part ça, ça devrait le faire. Bah, je pense que Jakar et Mokosh, en termes de physique pure en force, sont les plus à même de déplacer rapidement les caisses. Alors que Efflux et moi, on est un peu plus frêle On prend des en soi. Non, mais on prend des caisses, mais je veux dire, il peut très bien genre sortir les caisses de la rue, les mettre genre 2 mètres plus loin, et que nous on prenne les caisses un peu après, tu vois. Genre, tenez, tenez, tiens, on vous les passe, et vous les prenez, on dégage. Oui, C'est tout. après oui. Ok. Du coup, en Surtout effet, que... Ouais. le vol des caisses se passe relativement bien. Je vais pas détailler ça plus que ça. C'est vrai que dans ton normal, j'aurais peut-être fait une série de G. Mais là, on va avancer un peu plus. Globalement, en effet, lorsque vous vous rapprochez depuis l'arrière-ruelle de ces dernières, vous entendez cette fois-ci nettement l'espèce d'engueulade qui semble avoir lieu. Et en effet, il y a une espèce de gros litige dans le contrat par rapport à la livraison de ces dernières qui était prévue pour telle somme à tel moment. Bon. Et paraît-il, l'entrepôt n'est pas encore vide et qu'il va falloir attendre pour faire de la place. Mais le maître des opérations refuse de reporter sa vente. En tout cas, un bon gros bordel. Du coup, vous décidez, enfin, du coup, vous continuez de les voler et vous arrivez à vous emparer de certaines d'entre elles sans trop de problèmes. Vous les transportez jusqu'à Court-Argent, heureusement pour vous. Il fait relativement nuit, donc vous croisez pas grand monde. Notamment que, du coup, j'imagine, vous allez longer, du coup, côté. Donc, les quais. Je sais pas si vous avez la carte sous les yeux, mais du coup, si vous voyez la rue des prêteurs et que vous voyez les entrepôts, vous allez prendre la grande route, celle qui passe par l'hôpital de campagne de l'orage, notamment. Et en fait, bah, simplement, une fois arrivé sur les quais, bah, voir des gens avec des caisses en train de les transporter, les gens ne se posent pas de questions. En tout cas, il n'y a pas grand monde, mais voilà, si jamais vous croisez une personne ou deux, elles ne se poseront pas vraiment de questions. Elles feront peut-être même pas gaffe à vous, surtout que bah, vu que vous transportez d'énormes caisses, on vous voit pas vraiment non plus derrière. J'imagine que vous, habilement, vous vous mettez de manière à ne pas montrer vos visages au premier qui passe. Simplement, bon. Deux, trois personnes sont posées là, deux, trois pêcheurs en train de fumer les pieds se balançant dans le vide, verront au loin quelques silhouettes passer. Où est-ce que vous les posez les caisses en question? Est-ce que vous essayez de rentrer dans les entrepôts avec ou est-ce que vous les posez près du mur? Bah, en fait, je voyais ça près du mur, enfin, que quelqu'un me contredise, hein, si on n'est pas d'accord. Pareil, pareil, Mais ouais, près comme du mur. rentrer dans l'entrepôt, ça serait chose qu'il va falloir justifier et on va commencer à être trop vu. Donc, ça serait près du mur, mais le mur opposé de là où il y a les endroits où on peut grimper. Ok, d'accord, très bien. Vous les déposez. Vous attendez, j'imagine, que certains fléaux regardent à droite, à gauche. En tout cas, vous regardent pas précisément pour les déplacer, parce que sans doute qu'ils se poseraient quelques questions, vu que c'est pas l'endroit approprié pour poser des caisses. Heureusement pour vous, l'intérieur des enceintes est plus gardé que l'extérieur. Ou à l'extérieur, on ne garde que les entrées, tout simplement. C'est vrai que malgré tout, la sécurité n'est pas si renforcée que ça, elle n'est pas si énorme. Sans doute que les vols sont assez rares en réalité. Vous déposez les caisses et du coup vous décidez d'y mettre le feu, c'est bien ça? Parfait. Heureusement, il me semble que vous avez. Oui, c'est ça. Vous aviez acheté de quoi mettre le feu à ce matelas, donc vous retirez de l'huile. Je pars du principe que vous l'aviez sur vous, je vais pas. Je vais pas. À moi le stuff. Je considère quand même que pour allumer des caisses et mettre un feu conséquent, il va vous falloir plus d'huile que pour allumer une simple rampe à huile, donc je vais vous en dépenser 4 sur les 6 que vous possédiez. Et en effet, vous avez de quoi allumer un feu. Assez rapidement, oui, lorsque la fumée s'élève, tandis que vous vous placez un peu plus loin, vous voyez quelques groupes de fléaux s'y diriger. Et commencer un peu à paniquer et à se diriger vers ce qui semble être des cloches d'alarme. Vous entendez ces dernières sonner à travers le port. Et vous voyez sortir depuis les portes d'autres fléaux, notamment je m'en suis accompagné des hyènes, et qui commencent à se relayer pardon, au niveau de base du port pour faire des chaînes de seaux qui remplissent d'eau et comment se diriger au niveau des murs et justement des caisses auxquelles vous aviez mis feu. D'ailleurs, le feu est justement lui-même en train de se propager puisqu'une partie du port est lui-même construit en bois. Au loin, vous entendez donc hurler un peu dans tous les sens des ordres très stricts donnés avec le sens de la panique. Tandis que vous voyez cette fois-ci les flammes commencer à dépasser haut, du haut des murs, parce que vous n'êtes pas pile poil en face, j'imagine, en train de contempler les choses passivement, un sourire en coin. Du coup, j'imagine que vous en profitez pour escalader le petit muret. J'aimerais bien savoir qui passe et dans quel ordre. Mokosh. Vas-y. Ouais. Bah, j'imagine que je passe alors. D'accord. Tu commences par escalader en premier et je vais te demander un petit jet d'acrobatie. Oh. En même, alors, à tous ceux qui vont grimper, un petit jet de body. Ah, y a pas body, body athlétisme. Ou agilité dextérité. Enfin, bref. Comme vous le voulez. Je préfère quand même body ouais. Athlétisme. Ou bien vous avez le droit de dépenser des. De réussite. Très bien. Sachant que vous avez fait une très bonne diversion, les gardes auront de très gros malus. Ok. De réussite de déclencheur. De réussite. Ok. Vous commencez à escalader et arrivez tous à passer de l'autre côté du muret. Et à vous coller aux entrepôts. Vous commencez à longer l'entrepôt derrière lequel vous vous trouvez. Vous voyez en effet au loin les derniers fléaux équipés de attacher leur hyène en fait au niveau de l'entrée et courir rejoindre le port. Seuls ceux qui semblent garder les entrées du coup des murs d'enceinte semblent rester. Tout ce qui se trouve autour des entrepôts a été complètement vidé. L'idée qu'un feu puisse se propager sur le port et brûler l'intégralité des entrepôts. Et je veux dire, elle est si. Ce serait si catastrophique que. Évidemment, ils vont même pas laisser un ou deux types en patrouille, sachant que les entrepôts sont fermés à clé. Vous vous infiltrez donc le long des murs et arrivez jusqu'à l'entrepôt numéro F. En effet, comme vous le voyez, un entrepôt, comment c'est constitué? Il y a en fait une espèce de grande porte de hangar gigantesque qu'on doit sans doute pouvoir ouvrir, comme une espèce de grande porte de garage. Simplement vu que c'est aussi prévu par exemple pour là c'est des cargaisons mais aussi par exemple on peut techniquement entreposer des bateaux il faut pouvoir les sortir et les tirer mais à l'intérieur de ces grandes portes il y a des plus petites portes qui en fait c'est vraiment des petites portes dans des grandes portes qui celles-ci sont ouvrables avec des clés en essayant celles qu'on vous a passées vous arrivez à entrer et à l'intérieur découvrez justement les grands entrepôts néolibiens où vous avez des centaines et des centaines de caisses posées les unes contre les autres, acheminées dans des longs couloirs de caisses, avec une cloche d'alarme à l'entrée du fameux entrepôt. Vous n'y voyez pas grand-chose, par contre, est-ce que vous allumez une lumière? Peut-être avec votre lampe à huile ou Flux? Non, moi. Flux allume. Je suis une lumière. Et tandis que tu balayes la zone du regard, tu vois les peintures qui ont été utilisées pour peindre sur les caisses, presque de manière fluorescente, tu sais, réagir très nettement à ta lumière lorsque tu les frappes. Longez donc les murs jusqu'à trouver les fameuses caisses qui vous intéressent. 326, 327, 328, 329. Exactement. De 366 à 367. Pardon, oui. Excuse-moi, je dis n'importe quoi, ce que tu viens de dire. Ça va donner les bonnes caisses, les gars. Désolé. Du coup, vous décidez, j'imagine, de les prendre. Est-ce que vous décidez d'en prendre plus que nécessaire, moins que nécessaire, parce que c'est trop risqué? Qu'est-ce que vous faites? Bah, il y en a une chacun, non? Oui. On vide tout l'entrepôt. Ouais, déjà, en termes de volume, au niveau poids, est-ce que... Peut-être que les précédentes, celles-ci, sont transportables à une main. Ça, c'est des caisses qui ont été prévues pour être déchargées par un ouvrier à la sortie du port. Donc vous pouvez les prendre une par une. Et donc toutes les caisses, même genre la 325, la 324, elles sont de la même taille? Pas toutes dans l'entrepôt, mais celles-ci en question, oui. La majorité sont plus petites ici, mais de temps en temps, il y en a des très grandes. Sans doute que les très grandes, c'est celles qui contiennent les choses les moins lourdes, mais elles sont plutôt postées à l'entrée. Il y a moyen d'essayer d'en prendre deux. Deux par faisable, mais ça va être assez difficile. J'imagine que vous en prenez une par personne, vous avez de la chance, il y a 4 caisses, vous êtes 4. C'était même pas prévu. Ouais, moi je pense que on n'est pas là pour faire du rab, on prend les caisses et on se barre, quoi. Vous vous dirigez de l'autre côté donc de l'entrepôt, vous avez de la même manière une grande porte et une petite porte, enfin même plusieurs petites portes, il y en a une de chaque côté en réalité. Vous l'ouvrez avec la clé, vous arrivez cette fois-ci sur une espèce du coup de quai où on peut simplement attacher les bateaux et directement transporter les cargaisons. Et comment vous l'attendez, vous les jetez à la mer, et en effet vous voyez que le plan est plutôt bien pensé, puisque naturellement elles ont tendance à se diriger en direction de la partie qui vous intéressait. Et du coup, vous les voyez filer vers l'entrepôt où se trouve actuellement votre ami Hilar, même si lui vous le voyez pas. Tandis que de l'autre côté, si vous jetez un œil, vous voyez toute une série de néo-libyens et surtout de fléaux en train de remplir des seaux d'eau et se diriger en toute hâte, sans doute au niveau du départ du fléau. Vous en voyez pas plus parce qu'il fait nuit, donc c'est difficile de voir ce qui se passe de l'autre côté. Vous voyez simplement certains d'entre eux être éclairés par quelques touches de flamme à travers la nuit. Vous repartez ensuite de l'autre côté, ou est-ce que vous décidez de plonger par exemple, ou de sauter sur l'une des caisses? On part de l'autre côté. Très bien. Vous repartez de l'autre côté et vous êtes cette fois-ci obligé de faire la courte échelle pour monter le mur. Les prises ne sont pas présentes de l'autre côté. J'aimerais savoir qui est la personne qui va passer en dernier. La plus agile d'entre nous. Qui est ? Ce qui n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Très bien, je pars donc du principe qu'il va s'agir de Mokoche. Bien agité. Ah, dans quoi? Entre toi et Jacquard, étant donné que toi tu n'as pas de vrai, tu as pardon de vrais bras. Agilité, moi j'ai 4, mais après j'ai pas de. C'est body athlétique ou agilité. Ce sera sans doute agilité dextérité, je pense. Je regarde. Bah j'ai 6 moi. Là, ce sera plus de l'agilité cette fois-ci que de l'athlétisme. La dernière partie, on doit juste trouver des prix, tenter de grimper plutôt que de. Ouais, c'est pas de la force, c'est de la... Oubliez pas qu'on peut dépenser de l'ego. Ouais. Et l'ego, ça apporte quoi déjà de plus? Ça rapporte un dé en plus. Un point d'ego, tu peux en dépenser jusqu'à 3 maximum. Et vous regagnez un point d'ego par jour en temps normal, plus des points bonus si jamais vous faites des actions pour vous détendre. Ou par exemple, comme par exemple manger des choses très bonnes, de luxe. Et bah vous savez quoi? Ce qu'on a fait à la mouette, quoi. J'utilise jamais... C'est pour que je le compte. J'utilise jamais mon ego, alors je fais le G. Donc agilité, dextérité, on a dit. Ouais. Et alors du coup, ça me fait déjà 6 dés. Donc. Et tu dépenses combien de points? Je mets 2 dés d'ego, 2 points d'ego. Hop. Ça fait 8 dés. Ah vas-y, capte-toi. Ouais, mais c'est, comme j'ai que 6 dés, ça veut dire que genre. Enfin, du coup, voilà. T'en relances 2, ouais. Réussite. Très bien. Tu commences à prendre ton élan. Toi, tu vois que tu vas juste devoir courir, sauter et passer par-dessus. J'imagine que tu commences par envoyer ton marteau et toutes tes affaires un peu plus lourdes aux gens qui se trouvent de l'autre côté. Je n'ai pas pris mon marteau. D'accord, ok, bah tout simplement, encore mieux. Tu prends un peu de recul. Et finalement, dans un moindre mal, si ta jambe mécanique pourrait être un fardeau dans ce genre de situation, tu penses pouvoir essayer de te compter sur cet aspect pour pouvoir t'en sortir avec plus d'efficacité. Sur le côté un peu surhumain de la chose. Tu prends un certain recul, t'attends quelques secondes, et au moment où tu t'apprêtes à partir, derrière toi, t'entends « Qui va là ?» Qu'est-ce que tu fais ? Je cours. très Ok. Vite. Du coup. J'ai tenté de te dire miaou, mais je pense que c'est pas. Tu cours et juste derrière toi, tu commences à entendre des bruits avec, tu sais, tirer d'un sifflet. Tu sautes et arrives à te rattraper au niveau des bras de tes compagnons qui, j'imagine, sont restés en haut du mur et qui vont te hisser. Tandis que de l'autre côté, un des fléaux qui gardait l'entrée semble avoir été alerté par quelque chose. Vous repartez de l'autre, donc tu retombes de l'autre côté. Et dans la cohue, vous voyez que le quai commence à être envahi d'une épaisse fumée dans laquelle vous allez vous précipiter. Je vais pas rentrer plus dans les détails, pareil, vu qu'on est sur la fin, on a déjà un petit peu débordé, mais on a presque fini. Heureusement pour toi, heureusement pour vous, votre diversion va suffire à pas sonner vraiment une alerte, puisque les gens sont déjà suffisamment occupés. Lorsque vous passez au loin, vous allez un peu à contre-courant des fléaux qui peuvent revenir avec quelques sauts. Le quai semble pas non plus complètement en flammes. Visiblement, ils ont réussi à s'en occuper, mais ils auront quand même perdu pas mal de temps à cause de la surprise de la chose. Cette fois-ci, vous arrivez finalement au niveau des entrepôts, de l'entrepôt donc de Willard. Entre autres. Je vais passer rapidement, simplement, sur le fait que celui-ci n'est pas gardé, et que lorsque vous arrivez à son niveau et que vous tapez 5 fois, donc lui il est vraiment de l'autre côté des quais, donc là vous n'avez pas du tout de fléau en train de courir ou quoi, ils sont restés au plus proche. On vous ouvre, et vous retombez sur la même petite servante que ce matin, et à l'intérieur vous voyez donc son grand entrepôt à lui, complètement vide, avec au milieu juste une espèce de grande table sur laquelle il a disposé différents papiers. Il vous conduit sur le côté jusqu'à la zone où vous avez déposé les perches, et pareil, je me permets de passer un petit peu, qu'on a déjà débordé, vous les récupérez lui rendez. Lorsqu'il les ouvre, il est assez content. Et t'offrira de ton côté Flux la part qu'il t'avait promise. Alors, le prix de l'huile de Mardouk sur le marché en ce moment est relativement cher. D'autant plus que le prix s'élève pour les Européens. Mais pour vous, je suis prêt à vous faire cadeau de suffisamment d'huile pour une personne et une journée pour seulement 100 dinars. À ce moment-là, voilà, vous êtes tous ensemble réunis au milieu de ce grand entrepôt. Vous avez des chaises pour tout le monde. Au loin, vous avez déposé les caisses. Et vous avez Maria qui se trouve un peu à côté et qui fournit de quoi écrire. Il m'avait dit de trouver de l'huile. Alors, je relis mes notes, mais il m'avait dit de trouver de l'huile, mais il m'avait pas dit quelle quantité il voulait. Eh bien, j'aimerais la majorer la plus de quantité possible, voyez-vous, pour pouvoir lancer mes propres expéditions suffisamment longtemps pour capitaliser une bonne fois pour toutes sur l'argent que j'aurais récupéré et pouvoir investir dans le pétro, tandis que je lancerai ma carrière en politique. Je ne peux pas simplement me baser sur un héritage, vous comprenez, mes pères ne me prendraient jamais au sérieux. Je parlais de Dobby, parce qu'à la base c'est pour Dobby que... Ouais, et je me souviens que voilà, pour faire l'expédition, il m'a dit voilà, trouve de l'huile. Le truc, c'est que il m'a juste dit trouve de l'huile. Est-ce que du coup, je peux savoir à peu près ce qu'il entendait par là? T'imagines si jamais, imaginons que vous partiez une demi-journée, quelque chose comme ça, puisque l'huile il en a besoin dans les marais, donc vous n'allez pas la mettre dès que vous sortez de la ville. Si jamais vous êtes une dizaine, il faudra peut-être une dizaine de peut-être entre 5 et 6 pots. Ok, ça fait quand même très cher cette chose de se procurer. Du coup, ça nous fait combien d'huile si, pour 100 dinars, il nous donne quoi? Une seule, donc c'est-à-dire qu'il faudrait dépenser 500 dinars, on n'a pas eu une. Mais par contre, ce que je lui propose. j'en paye une immédiatement, et comme vous m'avez initialement proposé, j'en prends 4 autres et vous retirez la somme due de ce que vous voulez financer dans notre boutique. Très bien. avait proposé à la base. Pourquoi pas? Allons récupérer cette somme. À ce moment-là, il se lève et se dirige au niveau de quelques caisses qui étaient déjà entreposées, cette fois-ci au niveau de l'entrée des entrepôts. Tu le suis du coup, Eflux? Je sais pas si les autres ont suivi aussi. Oui, bah, de toute façon, on est là. Hein. En ouvrant les caisses en question, tu découvres plusieurs morceaux de cordes, des grosses pierres, et également plusieurs tas de dinars qui sont entassés au fond. Il en récupère une bonne partie et te donne 1000 dinars. Mais très, très bien, franchement. Oui, en termes de financement pour la boutique, c'est bien cet argent-là. Donc, ça va être parfait, je pense, pour lancer. Voulez-vous que nous signions le contrat dès maintenant ? Dit-il en sortant une feuille de papier. Le contrat fera, bien entendu, pas mention de la partie légale. Bien sûr, ne vous en faites pas. Dans ce cas-là, ça me va. J'aimerais juste la lire, bien entendu, quand elle sera finie. Ouais. Écoutez, je vous propose de la lire tandis que j'irai chercher l'encre que j'ai oubliée sur le bureau. Ok. Très bien. Je dirige vers son bureau et tu commences à lire. Tu vois en effet qu'il est fait mention de du lancement d'un commerce à Port-Lagagne. Les parts seront donc partagées. L'investisseur récupérera 25% des bénéfices sur définitivement jusqu'à une renégociation du contrat, mais investira à hauteur de 1000 dinars par semaine les premiers mois, le temps que l'affaire se lance. Il est également en question qu'il soit seulement fournisseur, machin. Et alors qu'il arrive au niveau de son bureau, en tout cas, vous entendez de nouveau toquer 5 fois à l'entrée du hangar. À de nouveau, Maria, la servante, vient ouvrir. Et cette fois-ci, je remets la d'avant. Vous avez de nouvelles silhouettes qui rentrent à l'intérieur. Beaucoup de silhouettes. En réalité, une bonne dizaine, voire une quinzaine de personnes que vous reconnaissez très nettement être des apocalyptiques, armés, se placent au niveau de l'entrée et commencent à vous entourer. Tandis que Hilar avance doucement dans votre direction. J'aurais vraiment aimé vous faire signer ce contrat. Malheureusement, vous m'avez menacé à plusieurs reprises. Une première fois à l'hôpital Morvan. Au poste de Morvan. Et une deuxième fois ce matin dans mon bureau et... J'ai préféré faire affaire avec de nouveaux proches collaborateurs beaucoup plus fiables que vous. Messieurs, mesdames, tuez-les. Mais laissez-leur l'argent que je leur ai donné, ils l'ont bien mérité, vous pourrez les enterrer avec. Ou plutôt les couler. À ce moment-là, peut-être que vous comprendrez l'intérêt des pierres et des cordes entreposées à l'entrée du hangar. En tout cas, c'est là-dessus que nous allons nous arrêter pour ce soir.